génération 9-7 fait gronder les basses sur Trace FM. Que tu restes zen, y'a que l'ambiance que je ramène. Pour pas t'en go go do, pour pas te déchirer tôt. Mais t'es quoi en axe à piller quoi à chito. Ici y'a mon cadeau, c'est pour pas faire gros sous. Souvenir pour faire temps, c'est qu'il y a mon amplitude. Inna di stamina, wine and stamina. Inna di stamina, wine again and stamina. Ton flingue, t'as pas de peur de venir dingue. Y'a que les fesses qui se déchaînent. On met la maison au la dème. Y'a pas de problème, il faut que tu restes zen. Y'a que l'ambiance que je ramène. Pour pas t'en go go do, pour pas te déchirer tôt. Mais t'es corps en axe à piller corps à chito. Ici y'a mon cadeau, c'est pour pas faire gros sous. Souvenir pour faire temps, c'est qu'il y a mon amplitude. Inna di stamina, wine and stamina. Inna di stamina, wine again and stamina. Inna di stamina, wine and stamina. Inna di stamina, bongs. Inna di stamina, wine and stamina. Ragamuffin, ne soyez pas digging. Pas tout le temps sous les platines, DJ, c'est toi qui domine. Et si tu n'as pas bonne mine, j'ai une solution qui prime. Pour ton shop, en étant c'est Wagonard. Même la kawaine, wine, money, moun, moi, assuré. De blocage, kakaze, chaque moun, en moun, c'est ok. Wine, wine, nous, tout cas, décompressé. Pour les grands habitués de Jack Daniel de l'entrée. Wine, wine, champagne, j'ai 14. Tout le monde l'a défraqué, c'est tête la caille qui tourne. Wine, wine, même si t'es déjà giré. Garde la stabilité. Mon oh, y'a pré-tune, pré-tune. Le DJ officiel de Génération 9-7 fait gronder les basses sur Trace FM. Hey! Oh, y'a play a tune, play a tune. Trace FM, dem a play a tune, play a tune. Holiday, holiday. Play a tune, play a tune. Song boy, play a tune, play a tune. Oh, y'a play a tune, so, so, so. No lady G, just so, so, so. No Maca Diamond, just so, so, so. No lady Sa, just so, so, so. Stop, come out, don't waste my time. True, we say play your thing, cap on your mind. We want Trace FM play a big tune with big rhyme time after time. Wait, Trace FM just a rise the nine. Shoot you up with dub in your spine. South sound boy, go and go use line. You not ready for this yet, you better resign. To the top, Trace FM a go climb. We have tune, we not for commit no crime. When we a play, everybody feel fine. Spend half them money and don't left a dime. Oh, you play a tune, play a tune. It's about that time. What time is it? Allez, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes! On s'équipe, les gars! Appuie sur le bouton! Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons! C'est parti! C'est nous! C'est nous! Non, non, non. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne! Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin... bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi? C'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane... Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles-Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Yo. Bonsoir. Les choses se connectent au fur et à mesure, y compris mon micro. Hashtag GNF7, hashtag Trace FM 0820-203-200, ça va? Oui, et toi Yannick? C'est week-end ou pas? Mais non, plus vraiment, plus vraiment. J'aimerais bien que ce soit le week-end encore. À un moment donné, faut travailler quoi. Bon, on fait l'intro sur quoi ce soir? Ben je sais pas, t'as quelqu'un en particulier? J'ai pas d'inspiration là, franchement. Le truc de Soka que je t'avais dit la semaine dernière là. Maman. Le truc de Soka. Oui. Qui c'est qui fait ce bruit là? Qui c'est qui bouge un truc là? Mais personne ne bouge. Qui c'est qui bouge un truc? Ça va bouger, rien. Comme par hasard, ça bouge plus quand je dis qui c'est qui bouge un truc. Bon alors, mets le truc de Soka, tu sais, ça fait play the redeem, the redeem, the redeem. Ça c'est bien pour démarrer une semaine. Non? Allô? Je sais pas, j'ai pas envie de travailler ce soir. Allez, viens. Bon, et bah à plus tard, Yannick. Allez, à plus tard. Bon week-end, Yannick. Allez, merci, à plus tard. Bonsoir, les traceurs, ça va bien? Bah ça va, et toi? Bon, attendez, je cherche un son, je connais même pas le nom de ce son-là. Vous avez pas un son pour démarrer, les gars? Si, si, passez le numéro de Soka, le morceau de Soka qui fait Play Da Weedy. Oui, mais je connais pas le nom du truc. Ah, mais passe-le quand même. Bon, je mets un truc de carnaval. Carnaval à cette période-là. Il y a tout ça qui arrive, toi tu veux faire du carnaval. L'avant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, tu peux réfléchir dans ta tête, hein. Ne me dérange pas s'il te plaît, nous on est occupés. Vas-y. Ça va les gars? Ça fait bizarre. Ouais, tranquille. Moi j'aime bien, en fait, je me rends compte qu'en fait on peut se gratter les couilles aussi quand on vient à la radio. Tu sens bon? C'est... Je sens meilleur que celui qui était à côté de toi avant en fait. Ça sent vraiment bon. Tu sais que c'est le micro, arrête de donc te coller sur Yann. Je sens bien meilleur en fait que la personne qui était là avant. Non mais tu sens souvent bon. Ouais, et c'est quoi différent? Il y a quoi de différent avec la personne avant? Ça sent l'homme. Ah. Alors est-ce que ça veut dire que ça sent la chatte d'habitude ou est-ce que ça veut dire que ça sent le petit garçon? Là ça sent l'homme. Ah d'accord, ok. Oh, bon bah écoute, l'homme. Je vais reprendre ma place si ça te dérange pas Hugo. DJ Tijo Sound, tu as du son pour nous? Bon, ça va bien, vous avez passé un bon week-end ou pas? Ouais. C'était cool? Ouais, c'était cool. Vous avez fait quoi de ce? Ah ouais, carrément, toi tu démarres genre en mode imagine-toi le DJ qui anime l'anniversaire comme ça, tu sais. Tu peux enlever ça, s'il te plaît? Mais non, c'est bien, c'est le début de la semaine, on est heureux. Mais on est heureux sans être obligé d'être dans un saucé en permanence. C'est un after soirée mousse en permanence dans ton cerveau en fait, Hugo. Ouais, vite fait. Le mec c'est genre hey, je suis heureux, 19h01, oh, je suis heureux, 20h01, oh, je suis heureux, 22h01, oh, je suis heureux, 22h37, oh, je suis heureux. Bon les gars, on va faire quoi ce soir? Il y aura du l'appel crétin, le retour. On reçoit Vincent Vermillon, le gang des Antillais, tout à l'heure dans la génération 97. Ouais. Ah ouais, caca-caca-carimi. Donc il y aura de l'appel crétin aussi, on appellera quelle famille? La famille Cuny. Je suis heureux. Bon, on vous attend également avec du cocoteur, on vous attend avec des breaking news 0820 203 200 également sur le net 3W. Ah putain, c'est vraiment le DJ qui a démarré par ça quoi. J'ai coupé le son du DJ, ça va beaucoup mieux. Vous sentez pas mieux là? Ah oui, mais vous, depuis le départ, vous... Oui, c'est pas mal. Oui. Non, on n'entend rien depuis le départ. Bon, allez, mets-moi un truc. Mon cocoteur, c'est Alibaba et les 40 cocos. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça ce soir. Mon cocoteur, eh ben dis donc, il y a d'affection ce soir. On a des cadeaux également à vous offrir ce soir. Ça passe par... forcément votre iPhone 7. La bonne nouvelle c'est que l'iPhone 7 il fait tellement envie à tellement de gens que yop ils ont mis le paquet. Pour une étrange raison vous ne trouvez pas la bonne combinaison, vous repartirez quand même avec des AirPods. Ouais, des enceintes Bluetooth aussi. On a tout ça à vous offrir, ouais. 0820 203 200, dès que vous entendez retentir le signal, il peut débarquer à n'importe quel moment dans l'émission. On vous l'a dit, il y a le gang des Antillais qui débarque tout à l'heure en la personne de Vincent Vermillon. Alors c'est vrai que le gang des Antillais, pour ceux qui n'ont pas encore vu, se disent « Ouais, mais c'est lequel ?» C'est celui qui joue dans Cut, le rôle de Stéphane. Voilà, tu vois, la fille, tu sais, genre, j'ai pas encore vu le film, je vois pas qui c'est. Mais par contre, le mec de Cut, je vois qui c'est. Ah. 0820-203-200, on revient dans un petit instant. Allez, mets-moi un petit peu de son, on se reconnecte. Hashtag G97, hashtag TraceFM, également sur les réseaux sociaux, www.trace.fm. A tout de suite, les traceurs. Take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.

Non. C'est un mélange de dab et Buzz l'éclair. C'est puissant, justement. Ouais, allez, va vers l'infini et au-delà. Génération 9-7. Pendant 3 heures, c'est nos limites. Zéro censure. Génération 9-7. Bon, PNL sera bientôt de passage en Martinique et en Guadeloupe. On aura l'occasion de vous offrir des invitations. Ah, c'est PNL qu'on dit? Ouais. Ah, mais je disais pneul. Pneul. Le mec qui essaye de le lire. Alors j'aimerais trop savoir comment tu dis SCH. Il faut imaginer l'animateur radio, tu sais. L'animateur radio. Bon alors, déjà ces mecs-là passent pas beaucoup en radio, tu sais. Ouais. Mais imagine-toi l'angoisse le jour où il pète, tu vois, le mec qui passe sur TF1. Alors, Nikos Aliagas, tu sais, en pleine finale de je ne sais quoi de The Voice. The Voice. Alors ce soir dans The Voice, nous avons Pnel. Et tout à l'heure, un showcase exclusif de qui nous vient donc du sud de la France. Qui chante Champs-Élysées. Enfin bref, 0800-22-103-200, la bonne humeur est au rendez-vous, on démarre une nouvelle semaine, c'est Génération 9-7, yeah ouais. On a du cadeau dans la radio, du iPhone 7 à vous offrir dès que vous entendez retentir le signal. Tout à l'heure, notre invité sera l'acteur de Cut, mais actuellement, évidemment, sur le devant de la scène et surtout sur les écrans de cinéma de Madiana, du Rex ou encore d'Agora. Il s'appelle Vincent. Versant, oui, c'est pas pareil. C'est parce que j'ai vu un film sur l'Everest ce week-end à la télévision. Il s'appelle Vincent Vermignon et il débarque dans le studio. Comment tu le dis? Comment tu le prononces, toi? Moi, je le prononce correctement. C'est toi qui viens de le prononcer alors, correctement. Alors, il s'appelle Vermignon. J'aime autant te dire qu'il faut que tu arrêtes de l'appeler Vermignon. Ça va pas lui plaire quand il débarque tout à l'heure. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Il y aura du top 5 ce soir. On parlera de quoi, Miss? Alors, dans le top 5. Donc, on va faire un tour sur les. Enfin. Classer en ligne les meilleurs films ou les films les plus importants dans vos Antilles-Guyane. Ouais. Tournés aux Antilles-Guyane ou par des Antillo-Guyanais. Ok, ça marche. En gros, quand on fait du cinéma, genre le gang des Antillais, on fait un top 5, genre le cinéma des Antillais, quoi. Voilà, on en a un autre après, un top 5 sur les faits les plus déroutants à propos du Bumidome. Ah oui, parce que c'est un des sujets du film, faut l'expliquer. Parce que quand elle arrive comme ça, on dirait qu'elle parle d'une pratique sexuelle. Parce que c'est aussi la même fille qui fait le sexe confessionnal. Mais ça n'a rien à voir. Le Bumidome, c'est un autre truc. Ok, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis surtout, allez voir le film tant qu'à faire. Parce que visiblement, il y en a plein. Nous, on n'a pas encore le temps, c'est vrai. Mais il y en a plein de gens qui sont extrêmement satisfaits, en tout cas, et complètement bluffés d'ailleurs. Depuis. Tu l'as vu, toi, entre temps? Non. Toujours pas? Pas encore. T'es pas triste, hein? T'es dégoûté, hein? On lui demande carrément de nous raconter la fin. Non. Non. On voudra pas pour les auditeurs. Mais, alors, on juste pour ton information, Nessie, il y a un livre qui existe, hein, c'est une histoire vraie, donc a priori, la fin, on l'a déjà un peu, en fait, hein, si on cherche. Ouais, c'est vrai. À la limite, je préférerais lire. J'ai bien la réponse, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. La lumière. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Vincent débarque tout à l'heure, il joue également notamment dans cette série qu'on aime beaucoup aux Antilles-Guyane qui est donc Cut. Cette série qui est tournée du côté de La Réunion, le rôle de Stéphane. Il débarque tout à l'heure au micro de Génération 9-7. D'ici là, il y a quelques breaking news, histoire de se tenir au courant de ce qui se passe. Pas la fin de Gang des Antillais, ça c'est sûr. Hein, non. Même sur son fil d'actualité Facebook, elle n'est pas tombée dessus. Par contre, en revanche, elle est tombée sur ça. Ouais, on va parler de deux cambrioleurs qui pensaient avoir trouvé l'aubaine en allant voler chez un homme. Et ils sont tombés sur Harry Harrington. Qui est Harry Harrington? C'est un grand musclé, un gay notoire, un prédateur qui a purgé une peine de prison pour de nombreuses agressions sexuelles. Et il a facilement maîtrisé les deux hommes, les deux petits hommes. Il paraît que c'est une masse physiquement, le mec. Ah oui, j'ai vu la photo, il les a ligotés, agressés pendant 5 jours, violés pendant 5 jours aussi. Ils sont sortis de la violée. Ouais, la police est intervenue après qu'un voisin les ait entendus crier. Et, sinon, ça aurait duré encore plusieurs jours. Jusqu'à la fin des temps. Les gars sont restés là pour l'éterniser. Les deux hommes sont extrêmement traumatisés. Ça me fait penser à une scène de Pulp Fiction, tu sais, le moment où il a dû. Comment il s'appelle Wallace merde, comment s'appelle l'acteur là pas l'acteur, mais son nom dans le personnage du film, il joue face à Bruce Willis. Ah putain, ça me revient pas. Mais le mec, à un moment, ouais, ils ont beau être ennemis. À un moment, il comprend que le mec va passer un sale quart d'heure et qu'on va le sodomiser pendant longtemps. Et le mec, il dit... Le temps qu'il cherche, rien que le moment où il cherche simplement son arme dans le magasin, t'entends l'autre qui fait... Et tu te dis, bon ben choisis, va te, va, prends un truc et puis vas-y, retourne-y. Je crois que c'est Wallace son nom, je me rappelle plus, ça va me revenir. Alors ils sont vraiment traumatisés et lui, pour sa défense, il a dit aux policiers, ils ont pénétré ma porte d'entrée, alors je suis entré par leur porte arrière. Par effraction d'ailleurs. Ah oui, par effraction. Hashtag GLF7, hashtag TraceFM. Franchement, honnêtement, la leçon à retirer de ça, c'est que tu penses qu'ils vont recambrioler derrière ou pas? Je pense qu'à vie, ils vont plus jamais voler. En tout cas, pas derrière. Plus jamais. Après ça, ils vont pas. Tu penses que ça peut donner une vraie leçon? Alors là, c'est fini. Bon, les gars. Lui, il va faire quelques années de prison. Ça, vous n'aurez pas tout marromé, mais. Mais lui, il va continuer. Si vous voulez une technique. Mais à Rinton, là. Imagine-toi la chaudasse, mais homosexuelle, qui fait je deviens cambrioleur. Je viens cambrioler chez toi. Mais Harry Harrington, il va continuer en prison, je pense. Ouais, bon, oui, il y a quand même une morale dans l'histoire, tu me rassures. Non, mais il va continuer à violer en prison. Il va violer des gens en prison. Les gars sont très contents de sa venue. Les cambrioleurs vont se venger maintenant. Quoi d'autre? On parle de Booba. 2 ans après sa prestation au Summer Dance Battle, il revient en Guyane. Il vient chanter le 18 novembre à Cayenne, aux côtés de Kalash, Niska, Poplan, Lion P. Et les Guyanais, ils l'attendent avec impatience parce qu'il y a eu pas mal de dates annulées. Donc ils espèrent vraiment que ce sera maintenu cette fois. Quoi d'autre? Alors, on va parler... je me sens mille dans mes pages. La seule meuf qui bosse encore avec des pages. On a tous un iPad, un écran d'ordinateur devant nous. Oui. Mais elle écrit tout, tu sais. Oui. On va l'appeler la machine à écrire. T'as un peu aussi la machine à remonter le temps de cette émission. On y va. Si je vous dis Laurent Joseph, ça vous inspire? Non. C'est la comédienne guadeloupéenne qui... Ah oui, Laurence. Laurence. Oui, t'as dit Laurent. Oui, t'as dit Laurent, ouais. Ah bon? Laurence Joseph. Oui. Bon, Dominos. Oui, les dominos. Elle s'est fait agresser dans une soirée à Paris ce week-end. Ah. Elle était l'invitée VIP de l'événement. Et elle a été prise à partie sans raison par un agent de sécurité. Elle a exprimé son coup de gueule sur les réseaux sociaux. Alors elle dit comment passer du rire aux larmes en très peu de temps. Faire du bien. Faire du bien aux autres en retour, tu récoltes le mal. Et en fait, elle était dans le carré VIP, elle a payé sa bouteille, pourtant il y a un vigile qui est venu l'embêter. Donc voilà. On a d'autres breaking news qui arrivent à tout de suite dans Génération 97. Le gang des Antilles, yes. Le nouveau film de Jean-Claude Barney. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Un film militant avec JJ Apali et Vincent Vermignon. Le gang des Antilles. Un film basé sur des faits réels. Tu vas finir en prison. En ce moment, TraceFM t'offre tes places pour venir écrire la légende LGDA. Dans tes cinémas Madiana. Plus d'infos trace.fm. Tu écoutes TraceFM. First on the hits. Mercredi 26 octobre, 19h, au Grand Carbé Aimé Césaire. Créola, la Ligue contre le cancer du sein et Air Caraïbes présente la 4e édition du concert caritatif Musique c'est fosse. Au profit de la lutte contre le cancer du sein, avec sur scène en live Stacy, Soumia, Milka, Kennedy, Laurine Rose, Lissy Nice Jean, Bambi, Stony. Avec la participation du groupe Move, billets en vente au tarif exceptionnel de 25€ dans les magasins Mobile Plus et sur billetsdom.com. Infoline 0596 649 700. Musique c'est fosse. Un concert caritatif au profit de la lutte contre le cancer du sein. Mercredi 26 octobre, 19h, Grand Carbé, Aimé Césaire, avec la Ligue contre le cancer, l'AMREC, la ville de Fort-de-France, Parfum des îles, le village créole, Air Caraïbes, Orthopédie Guito, la BDAF, Groupama Antilles, Guyane, France Antilles et Trace. Tous les soirs sur Trace FM. Je suis la seule à vivre notre amour. Et toi, tu ne le vois pas. Fatigué d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour faire l'amour. Je suis pas une teinte déjà. Si je pars, je fais plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. Moi qui m'en vais. Yo dis ou pas, mais les témoins, c'est ton cher qui pas bon.

Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. On est là avec vous, une nouvelle semaine démarre dans Génération 97 avec Tijo derrière les platines, du canular en préparation également. Vous savez quoi ? Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu existe parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions tous un petit peu aigris contre Keshi. Et pourquoi déjà ? En fait, c'est parce qu'il faisait on avait fait un super début de canular, tu vois, ouais, qui était plutôt sympa. On avait réussi à réunir toute la famille autour. Et puis, avec une des sœurs, comme c'était arrivé à la fin, on avait décidé de regarder le même scénario, mais de monter d'un cran avec de nouveaux complices, mais toujours le même scénario, mais appeler une autre sœur. Vous rappelez-vous de ça ? Ouais. On avait au moins 4 ou 5 connexions. La maman, la fille qui voulait piéger sa grande sœur, l'autre grande sœur qui s'était fait piéger juste avant sur le même scénario. L'enfant de la grande sœur. L'enfant de la grande sœur. On avait les coordonnées de tout le monde. Et rappelez-vous, c'était un moment délicat en même temps. Moi, sincèrement, ça me serait arrivé. Je pense que je n'aurais pas passé le week-end parce que j'étais mal à l'aise. Hein. J'étais mal à l'aise pour lui en même temps et je le détestais. J'ai même rencontré quelqu'un ce week-end. J'étais en boîte de nuit. Elle s'appelle Axel. Elle s'appelle Axel, plutôt sympa, tu sais, elle me demande Axel, si j'ai du feu. Ouais, elle me demande si j'ai du feu, machin, etc. Je lui dis, ben écoute, je sais pas, machin. Elle entend ma voix, elle me dit, ah mais tu es le gars de la radio et tout, machin, etc. Donc je lui dis, ouais, je suis le gars de la radio et tout. Elle me dit, putain, je peux plus écouter depuis que Keshi a foutu en l'air le canular, ça m'a rendu dingue. Je lui dis, mais t'es sûr que c'est Keshi? Non, parce qu'au début, elle me dit pas comme ça. Elle me dit, il y a une fille que j'aime pas dans ton équipe. Elle me dit, il y a une fille que j'aime pas dans ton équipe, je peux pas, ça m'a énervé là la semaine dernière, elle a fait une connerie, ça m'a elle m'énerve. Et puis elle parle trop pour babiller, pour expliquer tout et n'importe quoi, elle m'énerve. Je lui dis, Nessie. Elle me dit, ouais c'est elle, même qu'elle a perdu le numéro de la personne avec qui on devait faire un canular. Je lui dis, mais non, c'est pas Nessie. C'est Keshi. Ouais, cette connasse là, ouais, je la supporte plus. Je lui dis, mais Keshi, c'est un mec. C'est un standardiste. Eh ben, il a une voix de gonzesse. Et d'ailleurs, si tu veux que je réécoute l'émission, elle m'a dit, lundi, il faut que tu le vires. Non, mais écoute, c'est la meuf qui écoute la radio avec un woofer de malade. Confondre Keshi avec une femme quand même. Keshi, tu peux annoncer à tous les gens, peut-être il y a d'autres personnes qui vont le découvrir ce soir, hein, visiblement que tu es un homme. Je suis un mec, j'ai des graines, oui. Non, alors, oh, non, là, ne t'avance pas trop quand même. Tu peux faire le mec, mais après les meufs vont vérifier, elles vont être déçues, mec. J'ai des graines. Ouais, bah, calme-toi, mec, ok. Ça suffit, le hamster. T'as poussé de testostérone, ouais. J'ai l'image du hamster. T'as poussé de testostérone. Elle a pas arrivé jusque dans ta voix, tu vois. Ok, ok. Donc, tu peux dire à Axel, je suis un homme. Je suis un homme. Ce qui n'empêche pas que jusque-là, elle croyait que t'étais une nana. C'est pas parce que t'es un homme qu'elle va commencer à t'aimer. Donc t'as encore du boulot. Axel, appelle-nous au standard, s'il te plaît. 0820 203 200. Je te jure, vérité, je te jure, sur ma tête. J'étais en soirée et la nana m'a interpellé. Elle m'a dit, je supporte plus l'autre fille qui bosse avec toi, machin, etc. J'ai mis un moment à comprendre que c'était toi dont elle parlait. Mais si, ne te fâche pas, il a déjà raconté l'histoire. Ouais, je sais. Cette fois-ci, c'est moi. C'est la même histoire que... Mais ouais, mais Mazelra, elle regarde deux fois le film. Elle est jamais sûre de la fin. Bon, alors, tout ça pour vous dire pourquoi on était fâchés en fin de semaine et pas que nous, et certains auditeurs également étaient fâchés contre Keshi. Sauf que là... Je sais pas si on peut véritablement lui pardonner ce qui s'est passé. On attendait le canular genre mercredi ou jeudi. On est lundi, il a retrouvé le numéro de la nana. Waouh, le mec quoi. Et encore, c'est parce que Hugo l'a aidé quoi. Je dis ça, je dis rien. Bonsoir Christelle. Salut voilà. Christelle. Allez, de tension. Pas de tension, j'ai un standard qui est tout petit, je vois que dalle. Ben mets pas ta main devant déjà pour commencer. Mais c'est avec une souris, c'est quoi le rapport avec ma main ? Tu m'étonnes, attends, c'est un écran 17 pouces, il pousse, et tactile en plus, il pose un doigt dessus, il voit plus rien du reste de l'écran. Putain, je te jure, oh là là, tu fatigues. Salut Christelle. Tu vas encore nous fatiguer, Axel. Christelle, bonsoir, ça va ? Cool ? Ça va, et vous ? Alors, tu sais que franchement, honnêtement, je viens de raconter l'histoire, t'as compris un peu ce qui s'est passé, le mec a perdu tes coordonnées, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai compris ça, apparemment. Ah ouais, alors t'as compris ça, mais t'as pas vu ça, parce que sinon, t'es encore pire que lui. Parce que non, j'ai vu ça parce que vous m'avez pas appelé. J'ai vu ça parce que vous m'avez pas appelé. Ouais, ouais. Bah, je m'en doute. D'accord. Je m'en doute. Et quand on t'appelle pas, tu t'es pas dit, genre, je vais les rappeler, quoi. Non, ça me dit pas. Non, pas du tout. Ça me dit pas, oui, ça me dit pas, mais dimanche non plus, hein. Bref. On a dans l'objectif de piéger une de tes autres grandes sœurs ce soir. Est-ce qu'on a toujours la complicité de Béa? On fait un petit état des lieux avant de se lancer dans une aventure. Alors, on a toujours la complicité de Béa ou pas? Normalement, je sais pas si elle a cassé ou pas, mais normalement on l'a toujours. Ok. Maman est toujours dans le coin? Comment? Maman est toujours dans le coin? Ouais, toujours, elle écoute là. Ok, ça marche. Un bisou à Mimi, je crois, ta maman, c'est ça? Je me rappelle même le prénom. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il a passé un week-end délicat, hein, parce que a priori, le mec aurait pu. On aurait trouvé des sévices, des tortures pour lui et tout cette semaine. Il a trop de la chance. On va l'appeler dans un petit instant, ta dernière grande sœur, pour la piéger avec le canular de. Je suis enceinte d'un voyou. Je suis enceinte d'un voyou. Je suis enceinte d'un voyou. Je connais pas toutes les paroles. On rappelle juste après Rihanna et Drake avec Too Good. A tout de suite dans Génération 9-7. que tu penses, on sait qui on est. Pénal, pénal, tu dans ton cas vu. Ouais, ouais, ouais, le SAMU. 2-7, 2-7, 2-7. Grosse racaille, cherche pas le salut. Parle-moi de vrai, pas et puis tout dégage de ma vue. Ça bibi sous l'armée. On fait ça toute l'année. Bitch, on sait qu'on va te ramener. Même si t'as la poufanée, on te guidera sous amener. On n'est pas là pour parler. On a déjà tout cramé. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Big got that black baby. No limit, baby. Can get that black car. No limit. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. Make you say, no limit. I see mama murder that. No limit, baby. Can get that ghetto D, girl. No limit. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. You know you fine, baby, you know that you fine. I'm just tryna make you mine, tryna make you mine. Yeah, I'm tryna make you mine. Put a tingle in your spine. We got a vibe, we got a whip. You should ride on it. All of the places I can take you, girl, is limitless. So if you've never been, girl, I would just love to take you there. You don't have to worry about a thing. I gotta let me show you better than. Cause I may not know you, just let me hold you. You be my soldier. You from the north. Lascar qu'a veillé, donc ouais, même pas tout seul. Pas les 10 plaquettes, 10 visites, 10 latiers. Mais la plupart d'y c'est des bacs, tu sais. Pas 5 minutes, m'en fait 10 clients. Pas d'un shit ou à café la poussière. Si moi pas mettre la ma malaise. Dis-moi qui moune qui qu'est la poufée. Snoopy et puis moi, donc moi pas tout seul. Mad Max et puis moi, donc moi pas tout seul. Si frère qu'a grandi et pas tout seul. Donc pas d'autres Kevin, dis-moi ça poufée. Faut j'ai un clan, mon mi, c'est ça nous pète. Donc normalement, pas qu'a fait nous pète. En bas bloc, la deuxième grand ouvert. Moi et puis chauvet, donc moi pas tout seul. Aïe, pas qu'à passer con à la bas. Capé la jam, mais personne pas la bord. La manque avant nous à babaye qui la frappe à mon lit pour un malabord. Via sa bise, on fait des jambes libres. Donc il s'habille pas, besoin fait la bise. Je veux madame qui gère la crise, mon crier lui sur mon tapé. Il n'y a que l'océan qui nous sépare. Quelques horloges et quelques prix. Je suis subitement perdu, mon âme de fuitard. Tu veux, je fais la gueule de pire. Il le fallait, inévitable départ. Si ça marche pas, je reviendrai, tant pis. Je rêve de chaleur et de lueur. Ma liberté, elle est ailleurs. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Pourquoi tu pleures? À bientôt, maman. Bientôt maman, n'en ai pas peur, ça ira là-bas, ça ira là-bas. Pour ça me fend le cœur, oh maman, oh maman. Oh oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Génération 9-7. Génération 9-7. 0820 203 200. Le soir. Appel, appel. Salut. Et balance sur Trace FM. Merci d'être avec nous, Mada, Guada, Yana, 0820, 203, 200, également sur le net, www.trace.fm. Il y a du monde dans le studio, il y a Maé, il y a Nessie, il y a Sabri, il y a Lilou, il y a Hugo. On sent que c'est le début de semaine. Et puis, il y a aussi Vincent Vermignon. Tu vois il se gratte la gorge avant de passer à l'antenne. Non, c'est métallique. Vincent Vermignon avec nous dans le studio, sous vos applaudissements. Ouais. Bravo. Oui. Alors, entre acteur et comédien, parce que j'ai cru comprendre que la distinction est super importante, Vincent, ce soir pour vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans la génération 9-7, d'origine martiniquaise. Ouais, c'est ça. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais ça te va plutôt bien. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que Nessie n'a pas encore vu le film Le Gang des Antillais. Je sais même pas si tu as vu Maybe Another Time, ce court métrage d'une minute. Quand même. Ouais. Mais sauf que franchement, honnêtement, quand tu lui dis Stéphane de Cut, non. C'est là qu'elle percute, en fait. Ah oui, c'est lui. Ah oui. Je vois exactement. Je vois exactement. En plus, pour le coup, si elle les aime très très grands. et noirs. Ça le fait, hein. C'est cool. Oui. On parle toujours des acteurs. Oui, on parle des acteurs, ouais. Comment ça va, Vincent? La forme? Attends, ouais, c'est quoi ce bruitage là, les gars? Oh. C'est lui. C'est lui? Arrête de bouger avec ton mais micro. J'ai plus de micro. Mais c'est mieux quand mais t'as pas de micro. Attends, on va régler ça dans deux petites secondes, mec. Okay. T'as vu, le mec en mode genre, je supporte pas la compétition. En fait, je t'explique. Ouais. Là, on a un garçon, en fait, qui, lui, a très envie d'être super, super connu, machin, etc. Mm. Et chaque fois qu'on reçoit des artistes, ou des invités, ou des acteurs, en fait... Il sort du garage. Tu vois? Il sort du garage. J'ai pas compris. Ben généralement il est tapis dans l'ombre et puis quand il y a de la lumière en fait il vient. Ouais, non mais c'est quoi cette vision que vous avez de moi? C'est pas ça. T'as vu, il s'est rapproché. C'est pas comme ça qu'il faut me présenter aux gens. Non mais le mec en fait concrètement il se dit putain, il y a un mec plus connu que moi, il y a un mec qui a plus de buzz que moi. Ah non, ça me saoule, les nanas vont toutes mourir pour lui. Oh non. Bref, il est un peu comme ça Hugo, mais pas complètement. Tu auras l'occasion de l'évaluer en tant qu'acteur. On va te présenter aussi Yoshi, parce que Yoshi va faire un canular. Mais jusque là t'as une manière très très très particulière de présenter tes... Ton il nous aime, hein, tu vois ça. Ah, tu as vu. Donc elle aime les choses grandes et noires, c'est ça? C'est ça. Alors moi j'ai pas conjugué au féminin, mais visiblement on sait que tu lui as donné un petit nom féminin apparemment, hein. Tu la conjugues au féminin, toi. On dit bien la tour Eiffel. Il a la répartie un peu. Vincent Vermignon à l'affiche du Gang des Antillais. Réalisation de Jean-Claude Flamand Barney aux côtés de JJ Apali. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va faire quelques photos évidemment dans le studio. Mais surtout, d'emblée, ben forcément, mec, on reçoit un comédien, un acteur. On va essayer de nous aussi passer un casting. On est en plein canular. On est avec Christelle. Christelle nous propose de piéger sa sœur, sa grande sœur. L'idée, c'est que Christelle a déjà pigé l'une de ses grandes sœurs la semaine dernière. Comme c'est arrivé à son terme, on a gardé la grande sœur pour complice et piégé une autre grande sœur. On appelle en métropole, donc il est très très tard, mais on va l'accélérer. Simplement en lui disant un truc terriblement éprouvant pour une grande sœur. C'est qu'on va lui annoncer que sa petite sœur, toute petite sœur, restée aux Antilles-Guyane, est enceinte d'un voyou. Le voyou en question, c'est Yoshi. Et en matière de gang d'Antillais, a priori, tu t'y connais. Ok? Voici le gangsta 2.0 local, le mafia moins comme on l'appelle. Yoshi, tu vas jouer ton rôle à fond. Ouais. Christelle, on compose le numéro de téléphone de ton autre grande sœur. Est-ce que Béa nous a rejoint ou c'est pas la peine? Ok, on y va. Christelle, on compose le numéro de téléphone de ta grande sœur. C'est parti pour le canular. Ok. Allez, on compose. C'est toi qui commence, hein, Christelle? Oui. Allô. Ouais. Allô. Bonsoir, maman. Ça va? Ouais, tu te... Ouais. Tu dors? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? En fait, je suis enceinte. À une autre. Comment? À une autre. À une autre quoi? À une autre, frère, ta blague à du bal là. Quoi? Mais fais tomber. T'as dit quoi, mamie? On laisse tomber. Vanessa, je t'appelle pour te dire quelque chose d'important. Ok. Je suis vraiment cette Vanessa. Quoi? Vanessa. Quoi? Allô? Tu me crois pas, Vanessa, je t'appelle. Mais non, je te crois pas, frère. Tu m'appelles à 1h12, je sais pas quelle heure là, frère. Toi, c'est Christelle Foy, tu connais là. Je suis sérieuse, Vanessa. Ouais, c'est ça. Mon copain voulait te parler en plus, mais tu me crois pas. Allô. Allô. Vanessa. Oui. Ouais, c'est le copain de Christelle. Oui, c'est moi, le futur papa de l'enfant. Allô. Est-ce que j'ai pas... Non, non, c'est pas des... Non, c'est pas des conneries. On t'aurait pas appelé si tard le soir pour toi pour te faire une connerie. C'est vrai, elle est vraiment enceinte. Ok, je t'appelle comment? Moi, je m'appelle Lou. Lou Volga, on m'appelle. Volga? Ouais, en fait, je t'explique. Je suis né dans un quartier un petit peu difficile. Et comme je sors de prison, en fait, j'ai pas de prénom. Donc, dans le quartier, on t'appelle un surnom. Et c'est celui-là que tu gardes à vie. Donc, sur mes papiers de mairie, c'est marqué Lou Volga. Bon, ce qu'on va faire, tu m'appelles demain, un peu plus tôt, parce que là je dors, t'as vu, on voit ça. Ah non, non, non, non, non, non, faut qu'on gère le problème tout de suite, hein. Faut qu'on gère le problème tout de suite, parce qu'en fait, je t'explique. J'ai une situation financière un peu délicate. Je travaille, hein. Je reçois un salaire à la fin du mois, mais ce sont les allocations familiales. Donc il faut que je me donne une situation. En plus de ça, je n'ai pas de famille. Donc, à la place de m'appeler Lou Volga, on aurait pu m'appeler Rémi, puisque je n'ai pas de famille. Mais on m'appelle Lou Volga quand même. Et j'ai toujours voulu une sœur, hein. Donc tu seras ma sœur. Il y a des problèmes. Attends, attends, attends. Quand le sommeil est plus important que ta sœur enceinte. Alors moi je sais pas pour vous mais je trouve que le voyou par contre, blague à part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a des références, Rémi, ouais, sans famille. Ma situation est délicate. Je suis un voyou cultivé, je vous comprends. Je te raconte ma naissance alors je suis dans un quartier. Les gars, en prison, on est. Désolé. Ouais, on a le temps de lire un peu, c'est ça? Ok. Depuis qu'ils ont pris les téléphones portables en plus à Fonsara, il n'y a que ça à faire. Lire les livres. Bref, 0820 203 200. Bon Christelle, tu le sens comment là? Tu le sens un peu comme nous là, tu le sens un peu genre ça prend pas quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut pas utiliser ta maman? Ben elle est chez elle, faut peut-être l'appeler sur son téléphone. Hein. Ça marche, on essaye de mettre ça en place. Tu bouges pas, tu raccroches pas. On revient également avec Vincent Vermignon qui est notre invité ce soir, le gang des intérêts. Comment tu as trouvé la prestation? Parce que on pose pas la question en fait au comédien, à l'acteur. Mais ça se trouve mec, tu viens de sceller ton destin. Jamais tu feras de cinéma et peut-être même pas qui te trouve à la hauteur d'une télénovelasse. Vincent. J'ai toujours voulu être acteur. Donc... C'est foutu. C'est peut-être foutu. Vincent, bien en face du micro. Alors, tu as trouvé sa prestation comment? Ben, le début était pas mal, mais je pense pas que les loulous parlent autant, en fait. Hein. Ouais. Tu pourrais lui donner des cours de louloutisme? 0820 203 200 revient dans un petit instant, ça se trouve. C'est Vincent qui va devoir t'aider. On va devoir renforcer, là. On va utiliser la maman aussi. Hashtag G97, hashtag TraceFM, à tout de suite dans Génération 97. Big up to Josa, big bad bitch. At some point more that CJ, hey, we can do it on that beach there. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it. Back shot, somehow you got extra. Forget get me not when it's sweet. Yo. What you say? See me baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. Fever, burn your punani. Wine, see me baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. Yeah, me shall vivre depuis le départ. Car sorti me bien aller tous les jours en vérité. Wow, y'all look high, la ouvre high. Ou braki ke en moi, ve ou mettre sentiment en otage. Y'all ou c'est un bel jeune fan. Big up DJ Sam, big bad DJ. En fois c'est là qui était derrière. Et nous qui flex faut quitter des mounes. Et qui a dansé encore qu'à sentir moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous partir sans garder derrière. En savant jour qui est en moi. C'est les moins fort pour pas faire rien. En vérité en pas changer. En toujours le même. Tous les jours, son, Big Bad DJ, Hajime. Oh oh, hey. Uba mole la muka flask, hey, mo girl. Don't you savez qui a no car around the world. Uba mole la muka flask, hey, mo girl. Caribbean girl, I no car like the world. Un peu bad girl, cabayo mal dead. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces pour l'aïe. Et si on les suspecte, qu'on représente girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Mon billet, ça qui capète, y'a tête non-stop. Mon toujours cabine, que des different subs. Chaque son, mon cassette, cabayo, different tap. Dans son qui, pour pas moller, mon gars, flasque, mon girl. Tout ça, savait qui a look around the Fuba mule la muka flask, hey, mo girl. Caribbean girl, I don't call out the world. Fresh, got diamonds and pearl. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qu'a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Et si on les suspect, qu'on carré present girl. Nous cabayons bien les bandes en sol. Tout le monde y pour l'opot dans nous cabay side. Nous cabayons bien les bandes en sol. Nous cabayons bien les bandes en As Milan at the airport, Belfast get a gyal a rock foot, foot. Few gyal them a call out. Gyal link me at top road. Nannyville gyal money them a count out. You want see me have a dozen gyal a cross road, road. Gyal look good in them clothes. Junglist gyal them I got bang. Girls are juice lang, slang, a bang. Dirty and strong, strong. A key walk me she a wait pan. She a wait pan. Bang. Wedding plan me. Tia weird pan, bang bang, sexy and sexy and sexy and round, sexy and round, bang bang bang, weird pan, tia weird pan, aki walk me, she a weird pan, tia weird pan, tia weird pan, tia weird pan, aki walk me, she a weird pan. A weird pan. Want a girl from Cassava. Well, want a girl in a the Grand Spain area. Them say me as far like the newspaper. And a town alone when me go Jamaica. On a tip me the done, me want some more. Touchy I will link me girl afford more. Me Spanish phone girl from De La Vega. Me quality for money, she a super saver. Me six girl, them in a whole harbor. She a them fluffy and the next three maga. Me go in a Clarendon, check me baby mother. Baby mother, give me two dollars. And then return, yeah. Back way. Tell your boyfriend that I don't play. Yep. Watch how we flip it. Who you expect me to be here when you are wine like that? Girl, I'm go crazy when this trick beat drop. I know this is not an official remix, but the girl said they want Jack Frost from the track with me. Grips on your way. And then return, yeah. Back way. Tell your boyfriend that I don't play. Your business. Say, it don't make sense. Don't run away. Even when I'm away. Girl, you're hot age. Your T. So me spell it out age. Me no want much, me just want a little bit. So me no want much, me Génération 97, le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. Merci d'être avec nous, Mala, Guada, Yana, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Un petit coucou à Freebands qui nous rejoint, à Mademoiselle Sissi, à Joëlène également qui a trouvé le voyou bien bizarre. Ça m'étonne même presque que Vincent ait validé. Il y a quand même des commentaires comme ça. Hein. Il va falloir que tu oublies peut-être cette carrière de cinéma. Ouais, franchement, honnêtement. Et une telenovelas, tu le sens dans une telenovelas ou pas? Une telenovelas, tu sais, mal doublé. Genre, doubleur de telenovelas. C'est même pas lui l'acteur, mais c'est lui qui fait la voix française, tu sais. Le truc où les lèvres bougent et la phrase sort deux minutes après. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est super chaud. Ça, mais ça, alors ça, c'est vraiment pas un compliment à faire à quelqu'un, c'est ça que tu veux dire par là? Non, franchement, c'est sale. T'en as déjà fait, blague à part. Vas-y, attends. On a Vincent Vermignon dans le studio avec nous. Dans le studio. On en profite, tu sais, le mec, il est acteur, il est comédien. T'es peut-être tombé sur lui, notamment dans une des réalisations de Chris Burton qui s'appelle Maybe Another Time. Tu sais, le film qui dure une minute, mais qui te percute bien. Ah ouais, mais que tu regardes en boucle surtout. Ou encore, d'ailleurs, on va finir par croire que t'es un peu une égérie de Chris Burton hein, quand même, quand on y réfléchit, parce que t'as joué aussi dans Society. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait exprès, mais sur l'affiche de Society, tu ressembles un peu à Idris Elba. Ou alors c'est Idris Elba qui te ressemble. Exactement, en fait. Idris Elba, on était en quatrième ensemble. Idris Elba, pour ceux qui voient pas, je m'adresse éventuellement à Nessie. Tu vois, Idris Elba, c'est le mec qui joue Luther, par exemple, dans la série Luther, ou qui joue tous les... Le beau gosse avec une crête. Tu sais, le seul noir d'ailleurs qu'on voit au cinéma avec une crête. Et il a fait Mandela aussi. Il avait pas de crête. Mauvais exemple. Très mauvais exemple. Je te connais très bien. On te voit également à l'écran. Et blague à part, vous savez que Idriss Elba est pressenti pour être peut-être un jour un James Bond. Ouais. Comment tu l'appelles? James Bond. J'ai jamais vu cette série-là, alors c'est bien ou pas? James Bond. On dirait que quand on était petit, c'est comme ça qu'on disait. On disait James Bond. Grandis un petit peu, Ness. James Bond. Beaucoup. Quand tu le regardes? Non. Vincent Vermignon avec nous à l'affiche du gang des Antillais. Comment ça va? Bah bien, tranquille. Ouais. T'arrêtes pas de faire la navette entre nos trois départements là en ce moment, entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique. Ça va pas trop dérouter? Non, ça va. Franchement, c'était cool de faire la Guyane, Guadeloupe, Martinique en une semaine. C'était top. C'était génial. Ouais. Alors évidemment, tu sais, chacun d'entre nous est soit, alors tiens, là t'as une Guyanaise, là t'as le Martiniquais, là t'as une Guadeloupéenne, t'as un autre Guadeloupéen là. Toi, t'es quoi toi? Bon, c'est pas intéressant. T'es vraiment jaloux, hein. Ouais, un peu. Mais tu sais, les Guadeloupéens, on est un peu comme ça, on est un peu arrogant. Le DJ, c'est un métis. Le DJ, c'est un métis. Ah oui, entre un amour interdit, mec. Tu sais, à l'époque où c'était encore dangereux de faire ça. Hein? Tu sais, un papa guadeloupéen et une maman martiniquaise. Putain, t'imagines, frère? T'as un rire vraiment bizarre, c'est la dernière fois que tu rigoles près d'un micro, s'il te plaît. Vincent, avec nous, il est donc martiniquais. Mais t'es un type bien. Moi, je l'ai connu à l'époque des études. C'est un type bien. Je l'ai connu à l'époque, nom de code, résidence Karine. Est-ce que... On veut savoir. Depuis la semaine dernière, ça nous tarote. On veut savoir. Ça te tarote. Tarodé, sinon le verbe. Mais de toute façon, je t'assure que Julie qui nous envoie là un petit texto, elle ne sait pas l'écrire dans les deux cas, hein, de toute façon. Ça te tarote. Alors, on évoque ou on n'évoque pas résidence Karine? Si t'es prêt à assumer, ok, let's go. Ah, si je suis prêt à assumer, genre t'as des dossiers. Je peux en avoir. Il était une fois... Il n'y a pas très longtemps, hein, 2 ou 3 ans, nous avions 18 et 19 ans à peu près. Ouais, c'était hier. C'était hier, avant-hier. Ouais. Existait une petite résidence estudiantine, réservée éventuellement à ceux qui allaient soit au lycée à côté ou qui faisaient des études de prépa. Parmi les prépas, il y avait Hippocagne, par exemple, première année de lettres. Il y avait les MPCSI, j'ai jamais su comment dire, c'était matheux, c'est ça. T'étais parmi les matheux, t'étais parmi lesquels toi? En éco. T'étais en éco toi? Ouais. Alors lui, franchement, honnêtement, le mec en éco, il était en mode économie, tu sais, mais surtout d'énergie pour lui pour aller à l'école. Hein. T'y allais quand même, c'était quand même des cursus assez sérieux. Ah bah bien sûr, c'était chaud, la prépa c'est chaud. Alors je vous explique un truc, moi j'étais pas scolarisé. Hein. Moi j'étais pas en prépa, mais je connais ce mec là et j'ai l'impression qu'on a fait nos études ensemble alors que j'ai pas fait d'études. C'est un truc très bizarre. Et tout ça en fait, c'est la résidence Karine quand on y réfléchit. En fait, à l'origine, la résidence Karine, c'est une résidence qui n'est réservée qu'aux étudiants. C'est ça. Moi je ne l'étais pas, je ne sais pas comment j'ai réussi à gérer un appartement dedans. Non, j'avais un appartement là-bas. Aïe. Alors imagine-toi. C'était ta copine qui était étudiante, c'est ça? Alors, il faut que je t'explique, j'aille plus loin dans l'histoire en fait. Il n'y avait que des meufs, à part qui, peut-être deux, à tout casser. Michael, je crois, et Martin. C'est ça, il y en avait exactement deux. Et lui était un pote à Martin. Et le jour où le mec a constaté qu'il y avait autant de meufs dans la résidence, alors qu'il habitait très loin, il était tout le temps là. Tout le temps là. Vincent Vermignon, je le dis à haute voix, était tout le temps dans cette résidence. Non, mais c'était pour faire un groupe d'études. Et oui, tu peux le voir comme ça. C'est exactement ça. Tu peux le voir comme ça. C'est vrai que les gars, évidemment, Martin, juste pour information, et Michael étaient en maths, donc ils n'avaient rien à faire comme groupe d'études avec eux. Ok, je dis ça, je dis rien. Mais le pire, c'est quand moi, je me suis rajouté dans ce trio infernal, je suis arrivé, j'ai pris un appartement là-dedans. On dit pas de prénom, hein. Pas de prénom. Mais on dirait quoi? Toi à peu près 70%, 75%, 80%? De quoi? des jeunes filles que tu as fréquentées dans la résidence. Tu as consommé combien de personnes? J'ai consommé beaucoup. Amis du romantisme, bonsoir. Oh là là. Non, non, non, je pense que voilà, j'étais plein d'énergie à l'époque et je suis quelqu'un de très généreux. Et, ouais, et voilà. J'ai distribué du love, quoi. Voilà, j'ai donné du love. Et ce qui se trouve, c'est qu'on était exactement sur la même longueur d'onde. Et la petite histoire, c'est qu'on a distribué du love à des personnes en commun. Oui, voilà, j'ai eu du love aussi. Jamais en même temps, par contre. Non, non, non. Mais par contre, maintenant, dans le cinéma, tu dois faire des trucs à plusieurs, non? Non, mais c'est quoi ces clichés là? Ça fait partie des clichés en fait qu'on a un peu sur le monde du cinéma. Tout le monde fait la bise à tout le monde couche avec tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, non, non. Moi, dans mon cas, non, je le fais pas. C'est bien ce que j'allais dire. Donc ma phrase de préambule pour vous annoncer que Vincent Vermignon est avec nous. Je ne l'ai jamais connu aussi maqué. Mais en plus, c'est quoi? Attends. Je vais te dire un truc justement. Alors, comme quand j'étais un petit peu plus jeune, je me suis vraiment bien amusé donc à Résidence Karine, etc. Donc maintenant, je suis tranquille, je suis posé. J'ai bien scoré. Maintenant ça va. Tu vas pas me dire que une série qui s'appelle Cut, du verbe couper en anglais, à La Réunion, t'es loin de tout. Oui. Tu découvres plein. T'as passé combien de temps à La Réunion pour tourner cette série? J'ai passé 4 mois et demi. 4 mois et demi? Ouais. Et t'as pas consommé local? Non, j'ai pas consommé local, non. Parce qu'en fait, je suis arrivé le ventre bien plein. Tu sais, le mec, genre, on a l'impression que, genre, c'est lui. Il s'est plus rien passé après, à partir du moment où il a décidé de se concentrer sur sa carrière. Bah en fait, tu sais quoi, quand j'ai vraiment décidé de me concentrer sur ma carrière, je suis tombé sur quelqu'un en fait qui aussi m'aide à me concentrer sur ma carrière. Et lorsque t'es une nana qui t'aide justement à progresser, à choper des rôles, et depuis que je suis avec elle, ma carrière ne cesse d'augmenter. Donc franchement, une nana qui vient et qui me parle concrètement, t'es quoi? Tu ne fais pas le poids. Elle écoute la radio. Elle est en train d'écouter. Non, sérieux. Elle non, est cool. Vrai. Elle fait le même métier que toi? Non, elle fait pas le... Waouh, la musique de Blockbuster, quoi. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'être... Non, les gars, un acteur maqué. Non, tu rigoles. T'es grand comme Usain Bolt. On s'est dit peut-être que la ressemblance ne s'arrête pas là. Mais tu vois, la nana d'Usain Bolt, elle est dans le jet privé qui part en vacances avec son gars. Oui, oui, oui. Voilà, et puis de temps en temps, il va au Brésil aussi. Alors là, pour courir. C'est ça. Et il court beaucoup. Donc cette nana, elle t'apaise. Ouais, franchement, ça me permet de rester concentré, de faire mes trucs et de bien avancer. C'est cool, ça. Ouais. C'est cool. Elle comprend ton métier parce que des fois, c'est un peu compliqué quand vous n'êtes pas dans le même milieu. Alors, elle m'a rencontré, j'étais déjà comédien, donc je lui ai dit, écoute, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Mais ça, c'est ma passion, c'est mon métier. Et voilà. Donc, ouais, j'embrasse des nanas, je fais des trucs, mais voilà. Donc, c'est pas une stripteaseuse, la meuf, hein. Pour information, parce que sinon, elle aurait dit, écoute, tu m'as connu, j'étais déjà dans le métier. J'embrasse des clients de temps en temps, mais tu m'as connu comme ça. Vincent Vermignon avec nous dans le studio, s'il vous plaît. Ouais. Alors, évidemment, il y a plein de fans de cinéma derrière la radio. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Radio, on dit pas derrière l'écran? Ou derrière le web, ouais, aussi. Est-ce qu'on peut écouter une radio, mais devant la radio? Ah oui, alors maintenant, on regarde beaucoup la radio, parce que tout à l'heure, on va faire du live Facebook. Bien joué, bien joué. On va regarder sur live Facebook, vous allez nous rejoindre 0820 203 200, également sur le net 3 www.trace.fm. Vous connectez, vous aussi, où que vous soyez. On tente la deuxième partie du canular ou pas? Christelle, pour t'expliquer, en fait, on n'arrive pas à joindre ta maman. Donc on n'arrive pas à avoir la complicité de ta maman. On va essayer de rappeler ta sœur, mais cette fois Vincent va tenter le tout pour le tout. Il n'est pas encore chaud. Il n'a pas préparé le rôle. C'est pas sympa ce qu'on lui fait. Mais je peux coacher, comment t'appelles? Yoshi. Alors Yoshi va repartir à la conquête de ta sœur. Ta sœur qui ne croit pas que tu sois enceinte de ce mec-là ou qui n'a pas trouvé crédible le voyou. On recompose le numéro de téléphone. On y va tout de suite. Allez. Ma sœur. Allô. Ouais, ta sœur quoi? Elle lui a dit ça, Béa. Attends, elle lui a dit quoi en fait? Elle lui a dit quoi? Que je vais faire un canular et que je devais lui faire le canular. Ta soeur a déjà désamorcé le truc. D'accord. Bon, écoute, c'est pas grave, tu nous as fait kiffer. On va t'offrir un téléphone portable. Tiens, voici un Samsung Note 7. Voilà. Bonne soirée. Ciao. 0820 203. Elle était bonne cette vanne. On se fait un petit Huggy, on revient juste après. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Se prépare notamment. On va mettre à l'épreuve ton anti-yanité. Ton anti-yanisme. Ok, comment? On t'explique dans un petit instant toutes les épreuves que tu vas devoir passer. Avec nous, du gang des Antillais, Vincent Vermignon, également à l'affiche de Cut. On revient avec lui dans le Trace Studio, à tout de suite.

Génération 9-7. Génération 9-7. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. On va lancer un jeu, le c'est qui? Hashtag G97, hashtag Trace FM. On cherche une célébrité, une star locale, nationale ou internationale qui répond à travers quelques indices. Normalement, ça devrait te mettre sur la voie. Sur la voie, a priori. T'as le droit de jouer aussi, hein, Vincent. Ça se trouve, c'est un collègue de travail. Brad Pitt, Robert De Niro. C'est pas peut-être JJ. Non mais je rigole pas. Un réalisateur. Oui. On cherche quelqu'un de connu. Attention, des cadeaux à gagner. On nous a demandé tout à l'heure si il y a que des iPhone 7 à gagner. Non, on a aussi des Samsung Note 7. Merde, il y en a plus. Mais on a des places de cinéma à vous offrir pour découvrir notamment le film Le Gang des Antillais, où que vous soyez, Agora, Rex ou encore Madiana. On parlera un petit peu du film dans un petit instant. Juste avant, voici les indices pour vous mettre sur la voie. On a des packs Amigo aussi à vous offrir. Vas-y, let's go. Je suis acteur, auteur, compositeur et interprète. Théoriquement, c'est le jeu pour les auditeurs, hein, même si c'est un collègue pour toi et que tu vois tout de suite. Mais je peux jouer ou pas? Mais tu nous diras hors antenne, parce que nous des fois, on comprend pas toujours ces indices. Et puis Nessie se fâche. Acteur, réalisateur et interprète. Oui. C'est pas la même chose, interprète et acteur? Pas du tout. Ah non. Parce que dans la chanson... Un acteur interprète et parfois un interprète n'acte pas. Et non, dans la chanson, comment on fait? Ah, il chante. Donc c'est un acteur, interprète dans auteur, même... compositeur. Oui, mais un interprète, ça pourrait être plein de choses. Oui, un interprète, ça pourrait être un gars qui traduit la langue. Ça pourrait être compositeur et interprète. C'était dans cet ordre-là. Donc acteur ou auteur? Auteur. Alors acteur, auteur, compositeur et interprète. Mais je suis à tous les trucs quoi. Acteur, auteur, compositeur et interprète. Ok. Je suis en activité depuis 1996. C'est pas récent, récent. J'ai passé 3 années en prison. Qui suis-je? Maman. Tu peux m'en donner un de plus, s'il te plaît? D'accord. J'ai beaucoup fait pour l'Afrique. Ah oui. C'est... Et c'est un acteur? Il a déjà joué dans... Un auteur? Un compositeur? Voilà. Un interprète? Ça, c'était l'indice de trop, parce que là, c'est trop facile. C'est pas un grand acteur. Tu penses à quelqu'un. Je pense à quelqu'un, fortement. Tu penses à quelqu'un. Maintenant, c'est pas évident, parce que quand même, mine de rien, il a dû en chier en prison. Il était tout ça avant la prison ou après la prison, il est devenu tout ça? Il est devenu tout ça après la prison. Ouais, bah tu vois, il a dû en chier, hein, parce qu'il s'est dit, putain, j'ai perdu 3 années de ma vie. Le mec, boulanger, auteur, compositeur, musicien, plombier. Les gars, je travaille, c'est normal que j'ai de l'argent, je travaille. On attend vos propositions au 0820 203 200, c'est le c'est qui. Et puis on en profite évidemment parce que nous avons un acteur à nos côtés. D'ailleurs, c'est quoi la vraie différence entre acteur et comédien? Parce que tout le monde n'aime pas être traité d'acteur, les gens préfèrent en général être traités de comédien. Est-ce que c'est ton cas? Parce que, non, comédien, acteur, c'est pas grave, pour moi c'est la même chose. Mais en fait, généralement, acteur s'associe au cinéma et comédien s'associe au théâtre. Au théâtre, voilà, okay. C'est ça. Donc c'est plus honorifique finalement d'être du théâtre, quoi. Oui, voilà, parce que le théâtre reste, on va dire, l'art noble, la base du jeu. Ouais. Donc toi, t'es un peu des deux, t'as déjà fait du théâtre ou pas? Ah ouais, moi je fais les trois, en fait. Trois? Ouais. C'est quoi la troisième catégorie qu'on connaît pas? Acteur, télévision, comédien et... Ah oui! Cinéma, télé et... Dis-nous la vérité, théâtre. S'il te plaît. As-tu déjà doublé une télénovelas? As-tu déjà été voix off pour un personnage dans une télénovelas? Non. Jamais c'est arrivé? Jamais. Pourtant, ça fait partie des petits métiers. Mais c'est très fermé, on double pas comme ça. C'est un cercle très fermé. Ah, on n'a pas l'impression, hein? Si. Ah oui, c'est un cercle très fermé. Tu veux dire que dans la même série, le mec fait toutes les voix? Non, mais les gens qui doublent. Ah, mais c'est clair, il y a ça. À partir du moment où on est acteur, on double facilement. Attention, on parle de doublage de télénovelas. C'est un cercle très fermé. Le fait de doubler, tout le monde ne peut pas doubler. Mais attends, tu peux pas mettre au même niveau le mec qui a la voix, je sais pas moi, de Harrison Ford ou de Bruce Willis ou de Chandler de Friends. Tu peux pas mettre au même niveau le mec qui fait ça et le d'accord. mec qui fait les télénovelas. Oui, mais j'ai un ami qui est acteur. Tu veux dire que le mec qui fait les télénovelas, en fait, concrètement, il est déjà arrivé au plus haut niveau de sa vie. Non, pas au plus haut niveau, mais... Oui. Enfin, je sais pas. Là, on peut le dire. Je te demande. Bah oui, tant qu'à faire, on demande à un spécialiste. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un cercle fermé pour les voix, on va dire, des grosses productions, etc. Mm. Après, sincèrement, je ne sais pas comment on fait pour arriver à être doubleur d'une telenovela. Ah, parce que... Je connais pas le processus, en fait. Parce que être doubleur d'une telenovela, on a vraiment l'impression qu'ils prennent n'importe qui, hein. Tu sais, moi je vais vous prouver ça un jour. Un jour, il y aura une telenovelas qui sera diffusée pendant l'émission, on le fera en direct. C'est peut-être la même personne qui fait toutes les voix. C'est ouais. Exactement ce qu'on se dit bien parfois. Bien sûr. Et je me souviens qu'à l'époque, Marie-Mar, il y avait un chien qui parlait. Et tu as rencontré l'acteur un jour dans une soirée. L'acteur qui doublait le chien de Marie-Mar. Exactement, en fait, il m'a fait un revers, j'ai dit, ah mais c'est toi qui parles, c'est toi qui as la voix du chien. J'ai reconnu la voix du chien, en fait. Et non, ça t'a, et t'as déjà donné vie, toi, comme ça, un personnage en doublant Non, j'ai ça jamais... kiffé ou pas? Non, j'ai jamais doublé. La seule fois où j'ai doublé, c'est sur la RN5. C'était. Mais c'est ce que je te dis, Yannick, c'est très c'était difficile. C'était Pointe de Griffe, j'étais à 160 là, c'est Atibiza, il était derrière moi. Maman, je lui ai mis 3 voitures. Dis-moi. On peut être acteur, mais c'est vrai que c'est vraiment un cercle fermé, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ah, mais tu trouves que n'importe qui, par non, exemple, parce que c'est une vraie question, je vois ce que tu voilà. veux dire, mais là, t'es encore en train de me parler d'un mec qui a envie d'être acteur. Non, j'ai le cousin de mon compagnon, il est acteur, et il me dit que... Vous avez senti, les gars? Ouais, là, vous avez senti? Mais non, parce qu'il veut pas m'écouter. Non, mais tu sais pourquoi? Non, mais alors, attends, je t'explique ce qui se passe. La nana, elle s'est dit, putain, on a un acteur, et vous avez, et Yoshi a fait pareil. On a un acteur dans le studio. Ouais, est-ce que tu peux glisser un petit mot au réalisateur, s'il te plaît, pour mon, le cousin de mon copain galère un peu dans le milieu. Je vais donner, tiens, et puis tu sais, pendant la pause pub, tiens, voici la pause pub. Donc tu peux lui montrer ce qu'il a déjà fait sur le web. Non, ça va, il vit bien, apparemment. Il vit bien. Mais alors, il trouve que c'est fermé. Pose ta question, vas-y. On n'arrive pas à doubler comme ça, que c'est vraiment un cercle fermé. Parce que je lui disais, mais pourquoi tu te lances pas là-dedans? Et il me disait, non, c'est pas évident. Non, c'est vrai, c'est pour une raison très simple. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis la voix de Denzel Washington, à chaque fois que Denzel Washington fait un film, je travaille. Donc le mec qui est la voix officielle de Denzel Washington, ben, il tourne pas mal. Donc c'est pas dans son intérêt que d'autres personnes rentrent dans le monde du doublage. Donc à partir du moment où on arrive à décrocher et être la voix française de quelqu'un de très connu, ben, on s'assure quand même pas mal de revenus. Est-ce qu'au-delà de ça, tu trouves, toi par exemple, que devenir acteur, c'est difficile quand on est antillais ou quand on n'est peut-être pas forcément du milieu ou fils d'eux? Bien sûr. C'est bien super sûr. Difficile. Bien sûr que c'est difficile. Il faut donc énormément de talent, énormément de patience, beaucoup travailler, c'est plus ça. Travailler que les autres. Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là maintenant qu'on voit les gens qui tournent, etc., généralement c'est des. Voilà, bah oui, il y a des fils d'eux comme ça, c'est comme ça. Donc on sait qu'à partir du moment où on se lance dans cette carrière-là, il y a du talent, il y a du travail, et surtout il faut être patient. Être curieux et continuer à travailler encore et encore, regarder des films, travailler son instrument d'acteur. Franchement, c'est, je pense que le plus difficile. C'est quoi ton instrument d'acteur? J'ai pensé à un truc bizarre là. Non, ça c'est pas un instrument, c'est une arme. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu la sors plus n'importe quand. Ouais. 0820-203-200, on est avec Vincent Vermignon. Il est à l'affiche du Gang des Antillais. Ça vous concerne, où que vous soyez, Martinique, Guadeloupe, Guyane, le film est désormais sur les grands écrans. Et on a des places d'ailleurs à vous offrir du côté du stand pour le découvrir. On fait quoi? Qui commence? Le thème du film, Lilou. Alors, explique-moi un petit peu, parce que pour l'instant, on est vraiment dans la position des critiques de cinéma. C'est-à-dire qu'on peut dire des grosses conneries à propos du film, malheureusement parce qu'on l'a pas vu. À toi de nous recadrer. On l'a pas encore vu, en fait. Ben non, je t'ai ramené à quelle heure? J'ai lu 6h du matin. J'ai dormi au moins jusqu'à lundi, mec. Excuse-moi. Moi, j'ai lu le livre. Ça compte ou pas? T'as lu le livre? Ok. Ça compte? Ça compte, yeah. Ouais, ça compte double même. On y va. Allez, on y va. Donc oui, le film est une adaptation d'un roman autobiographique de Loïc Léry. Donc qui est un roman autobiographique historique. Je l'ai rencontré d'ailleurs, Loïc, je sais plus à laquelle des avant-premières, mais je l'ai rencontré, il était là, il faisait partie du voyage également pour promouvoir le film. Donc voilà, le sujet principal du film et du bouquin, c'est le humidum, dit bibidum en créole. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le bibidum ou le bumidum? En fait, c'était un bureau qui a été créé, c'était le bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Il a été créé par Michel Debré en 1963. Ouais. Alors, qu'a fait d'autre Michel Debré, outre créer ce bureau? Alors là, Vincent. Putain, ça c'est tu es censé savoir ça. Sincèrement, je sais pas. Il a écrit la constitution de la 5ème République. Ça craint quand même que tu le saches pas. Ah non, mais personne, aucun d'entre nous ne le savait. Tu vas te calmer, c'est quoi? T'as cru qu'on était, je sais pas, chez Coué, on détruit pas des carrières? On va se calmer. Non, mais le truc, ce qui est quand même assez lâche, c'est que tu ne le savais pas avant de faire tes recherches. Avant de faire Wikipédia, bien sûr. Évidemment. Alors, on revient sur le sujet du film, très concrètement, pour bien comprendre, pour vous donner aussi un peu envie de le voir, même si on va pas tout voir vous raconter, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de curiosité. Il y a de l'intrigue, tu vois. Les gens, ils se disent, alors, il est bien le film, ils te posent des questions. Moi, je l'ai pas encore vu, tu peux pas forcément répondre. Mais on sait en tout cas une chose qui est sûre, c'est que les gens qui ont assisté au film ont été très surpris. Ouais. Très surpris d'apprendre autant de choses. D'apprendre peut-être autant de choses, de découvrir autant de choses. Parce que, comme tu nous le disais si bien en fait vendredi soir quand tu étais au téléphone avec nous, visiblement c'est un pan de l'histoire en fait de n'importe quel Antillais en fait à une époque précise. Oui voilà c'est ça, mais enfin, vraiment pour essayer de résumer, le Bumidome c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, en France on avait besoin de main d'œuvre, donc on a pris des Antillais, on a pris des Guadeloupéens, on a pris des Guyanais, on a pris des Réunionnais, on les a envoyés en France. Et Loïc Léry qui a écrit le livre, il s'est retrouvé à 13 ans en France et c'est là qu'il s'est rendu compte en fait qu'il était noir. C'est quand il est arrivé là-bas qu'il s'est rendu compte qu'il était noir. Et à ce moment-là, c'est une manière pour lui, comme c'était compliqué pour lui de s'intégrer, eh ben, il s'exprimait par la violence. Il a commencé à braquer des bureaux de poste, il a commencé à braquer des banques. Et c'est ce qu'on raconte justement dans ce film. Donc c'est un film où il y a de l'action, où c'est thriller. C'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Et à l'avant-première, il y avait Loïc Léry, il y avait le mec qui avait commis les braquages. Le mec qui a vécu ça, en fait. Qui a vécu ça. Le mec, ouais. il a fait 6 ans et demi, 7 ans de prison. Et en prison, il a rencontré Chamoiseau, et grâce à Chamoiseau, il a écrit son roman. Ok. Donc, il y a vraiment beaucoup de bonne volonté, d'envie de traduire, de transmettre, en fait, finalement, cette histoire qui a véritablement existé. Tu joues le rôle, Vincent? On en parle ou on n'en parle pas tout de suite? On peut en parler. Bah, il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Oui, on peut en parler. Sans trop dévoiler. Okay. En fait, moi, je joue l'un des membres du gang. Et en fait, c'est moi, je suis le petit malin. En fait, je suis le gars qui fait des repérages, qui voit, ok, ouais, cette poste-là, faut la braquer, etc. Je donne des informations, je suis le petit malin. Voilà, c'est ça. Et chaque membre du gang a une fonction bien spéciale. Donc, il y a le violent, il y a le gars à qui on peut pas faire confiance. Ben, voilà. Il y a toujours ça dans une équipe. En fait, c'est un peu Friends que vous avez tourné, mais version antillaise et version ancrée dans la réalité quand même, parce que c'est une histoire vraie, quoi. Ouais, c'est une histoire vraie. Il y a des personnalités qui sont complètement différentes. Il y en a qui vont amener à sourire, il y en a d'autres qui vont te glacer le sang. C'est ça. Et en même temps, même dans celles qui vont te glacer le sang, tu vas te rendre compte que tu peux comprendre pourquoi ils le font. C'est assez compliqué quand même de cultiver ce genre de choses. Hein. Mais c'est ça qui est bien dans ce film, c'est qu'on se dit, ouais, quand même, il a braqué des bureaux de poste, mais le film est tellement bien fait qu'on se dit, ouais, mais je comprends pourquoi il l'a fait en fait. Alors, c'est compliqué parce que on vit après, une époque très très particulière. Non, mais je t'explique, ouais. J'ai pas fini, c'est qu'après, il braque des bureaux de poste, il tombe, il fait de la prison. Il comprend en fait que finalement c'était pas le bon moyen. Mais ce qui est bien, c'est que Loïc Léry, vous rendez compte quand même du parcours du mec. C'est que le mec, il a commencé en braquant des bureaux de poste et il finit au cinéma avec son histoire adaptée au cinéma. Il a écrit un bouquin et son bouquin est adapté au cinéma sur grand écran. Et là, Le Gang des Antillais vient de gagner un prix comme étant la meilleure adaptation d'une œuvre littéraire. Sur grand on a le rectorat qui nous appelle pour expliquer qu'à l'université ils ouvrent la section braquage pour filmographie. Braquage pour filmographie. 0820-203-200. T'as des d'autres questions pour Vincent? Selon toi, à peu près combien de personnes ont été plus ou moins déportées à l'époque du Bumidome? Moi je dirais 200 000, 300 000. Alors, c'est une bonne réponse ou pas? Non. Ok. C'est-à-dire que les chiffres légaux communiqués par l'État sont aux alentours de 70 000 adultes et de 1630 enfants. Ça fait beaucoup de monde, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein? Je dirais plus. Sachant que les enfants... Ouais. Ça, c'est les chiffres que l'on trouve dans les textes de référencement. Tu savais, par exemple, que les bureaux annexes non, du Bumidome. Non, mais s'il y a quelqu'un qui le sait, a priori, c'est lui parce qu'il a un peu potassé l'histoire. Donc, dis-nous ce que tu as découvert. On ira plus vite. Alors, donc moi, j'ai découvert, curieusement, que le Bumidome avait été basé à Paris. Mets bien ton casque sur les oreilles, s'il te plaît, Miss. Mais avait aussi établi des antennes à Nantes, au Havre et à Marseille, qui étaient trois anciens ports esclavagistes. Ouais, c'est ça. Donc, la parallèle est quand même assez lourde de sens. Mm-hmm. Et le Bumidome avait aussi un double objet qui était... Je mets des musiques de films. En attendant, je me cultive, je vous écoute, je divertis un peu les gens. Le double objet caché du Bibidome était de dévitaliser la jeunesse des dom-toms. Et ça a Pourquoi créé. Dévitaliser en fait. Tu peux l'expliquer un peu parce que oui, j'ai l'impression que tu recraches le truc tel que tu l'as Non, c'est-à-dire que les personnes déportées, c'était des jeunes entre 20 et 35 ans. Donc c'était la force vive du pays en fait, des Antilles-Guyane. Et enlever cette force vive en fait déstabilisait le pays. Ça a créé une crise de l'industrie sucrière. Ok. Mais ils continuent de le faire. Hein. Ils envoient tous les intelligents faire des études là-bas. Il y a que les couillons qui restent ici. Non mais ça existe encore, ça ne s'appelle plus je comme ça. Je dis ça alors qu'on est encore au pays. Non, moi perso je suis parti faire des études. Ouais c'est ça ouais. Aimé Césaire en 75 avait qualifié ça de génocide par substitution. Ouais, ouais parce que forcément ça a fait beaucoup de mal. Est-ce que les conséquences du Bibidome se ressentent encore aujourd'hui? Oui parce que les personnes qui ont été déportées reviennent maintenant. Depuis ces 15 dernières années commence à revenir et du coup la population dans les dom-toms est extrêmement vieillissante puisque les jeunes continuent de partir pour les études puisqu'il n'y a pas d'organisme de formation professionnelle ici à grande échelle, donc du coup le Bibidome existe encore, ça s'appelle plus comme ça, c'est tout. Et il y a aussi autre chose, c'est que lorsque toute la force vive est partie, ben l'avancement de ces territoires là a vraiment pris un coup, c'est-à-dire que ça s'est énormément ralenti. Et il y a eu le Bibidome a été aussi organisé parce que ça commençait vraiment à péter dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai vent de... une réponse, en fait, à la révolte éventuelle qui pourrait éclater. Ah, ça commence, C'était en prévision. En fait, si tu veux, au même moment, en Algérie, il y a eu une indépendance, il y a eu la révolution à Cuba, et en fait, c'était pour prévenir. Il faut savoir qu'à l'époque, l'industrie agricole dans les dom-toms, ça faisait partie... C'était ce qui produisait de la richesse, c'est en ça. Fait. Ok. Donc, si tu veux, ils pouvaient pas se permettre de le perdre. Putain, t'es énervé. On dirait le même effet que tu sais que quand tu sors d'Amistad, mais tu sais, t'as pas la bonne couleur. Tu sais, tu sors d'Amistad et tu fais putain, c'est blanc. Putain, c'est blanc. Bref, 0820-230-100, on est avec Vincent Vermignon, il est acteur du film Le Gang des Antillais. Attention, on va tester si t'es un vrai Antillais. D'ailleurs, on a besoin de gens pour jouer contre Vincent. Vous débarquez au standard 0820-230-100. Tu as Nessie, ta séquence. Oui. Elle revient parmi nous. On applaudit. Ma musique, d'accord. Alors, c'est quoi ta séquence, Nessie? Bah, c'est un concours de chip, parce que tout Antillais qui se respecte, c'est chippé. On a besoin de gens pour défier Vincent. Adieu-là, si vous êtes... On se prépare du côté de Vincent, il sumecte les lèvres. Si vous êtes un maître du chip, on vous attend au standard. Il y a des cadeaux à gagner, des places de cinéma pour le gang des Antillais. On a aussi rajouté des invitations pour les soirées Halloween de ces vacances qui arrivent. Ouais, il y a des packs Amigo aussi, si vous avez soif. 0820-203-200 pour nous joindre. D'ici là, on se met un petit calache avec Néo et on revient juste après dans la Trace Radio. A tout de suite. Maman m'a dit laisse-les parler, c'est que des mots. C'est que des mots.

Une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Ici chez la libre antenne des auditeurs. Alors qu'est-ce qui se passe? On a Vincent Vermignon avec nous. Il est à l'affiche du Gang des Antillais. Il est acteur et comédien. Mais certaines d'entre vous, je dis bien certaines d'entre vous, ont beaucoup plus bloqué sur lui pour l'instant, en attendant de voir le film sur la série Cut. On en parle un peu d'ailleurs de la série Cut. Tu préfères quoi? Tu préfères être acteur au cinéma, ou alors c'était quand même, ça avait l'air d'être bien quand même Cut, hein? Non, Cut c'est sympa. Ce qui est cool, c'est que là j'ai vraiment la possibilité de développer un personnage, et puis voilà, c'est sur la durée. C'est parce que j'ai l'impression qu'avant c'était un peu caca pour les acteurs de faire des séries ou de faire des feuilletons. J'ai l'impression que la tendance s'est beaucoup inversée. Ouais, c'est les Américains qui ont lancé ça et tout. C'est devenu à la mode maintenant. Tu peux passer à la télé et retourner au cinéma. Après. D'ailleurs, du coup, des grands acteurs, avant, tu faisais pas les deux en fait. Ouais. Tu pouvais pas ni être acteur. Ou sinon, tu passais dans un épisode et t'étais en guest star quoi. Mais là, maintenant, ils sont carrément acteurs principaux d'une série. Et de l'aveu des acteurs en fait de cinéma, en fait, ce qu'ils préfèrent dans le feuilleton, c'est que tu peux aller beaucoup plus loin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un film, c'est 2 heures, et par exemple, une série comme Game of Thrones, c'est 10 heures. Ouais. Mm-hmm. C'est quoi la série dans laquelle tu jouerais bien? Par exemple, le grand blockbuster américain qui te plaît bien en tant que spectateur et en tant qu'acteur? Série ou film? Série. Série, ouais, Game of Thrones, moi. Ouais. Tu jouerais quel rôle dans Game of Thrones? Le dragon. C'est à cause de la grande, les grandes ailes. Non, j'ai beaucoup aimé. Daenerys. Je sais pas si vous connaissez cette série-là, Trou Détective. Ah oui. Ouais, alors j'ai adoré cette série. Ça dépend. Il y a deux versions en fait. L'idée, le concept en fait de Trou Détective, c'est que chaque fois ils prennent deux putains d'acteurs. Qui pendant toute une saison en fait raconte une histoire. Donc tu nous parles de la saison avec Matthew McConaughey et Ed Harris. J'ai adoré. Est-ce qu'il y a un rôle que tu ne ferais pas au cinéma, parce que du coup tu sais, des fois il y a des acteurs qui ont peur de s'enfermer. Si on me propose tout le temps le même rôle, à un certain moment je vais refuser. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de tout jouer en fait. On te propose de Plus belle la vie, tu y vas? Moi j'aime beaucoup Plus belle la vie. Je regarde. Grosso modo, la meuf vient de te dire, bon, écoute, alors, tu vas au cinéma, mais moi j'aime bien les séries. Hein. Plus belle la vie, mais après je vais te poser une autre question, et là je comprendrai que tu me dises non. Moi, si j'avais à choisir entre Plus belle la vie ou Cut, moi je suis très bien dans Cut, parce que moi ce que j'aime bien dans Cut, c'est qu'il y a vraiment des risques qui sont pris, et on sent quand même une vibe domienne. Mais même, pour être honnête, Cut, ça n'a rien à voir avec beaucoup de feuilletons qu'on a pu voir à la télévision. C'était pas comme la BD flamboyante. Ah ouais, c'est vachement plus dynamique. Et tout machin, etc. C'est super moderne, et puis il y a du transmédia aussi, où on peut aller sur Facebook voir ce que il y a quelque chose de très contemporain dedans. Bon, et puis les short séries là, fallait connaissez-vous vraiment vos voisins là? Ces séries là tu acceptes genre rôle faire Issa Doumbia dans Scène de ménage? Ah non, mais ça encore c'est super, non. Hein, ça c'est très bien ça. Non mais c'est ça dont tu parles, tu parles des short séries. Non. C'est la réalité scénarisée en fait. C'est ça. Ouais, c'est pour raconter des faits de société. Le jour où tout a basculé. Ah, voilà. Ah oui, Jean. Nous sommes le 21 janvier 1992. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle Stanley, mais elle ne le sait pas encore. Son voisin n'est pas vraiment comme elle l'imagine. Restez avec nous, c'est après la pub. Tu accepterais? Tu fais ça ou pas? Un rôle comme ça. Alors, je préférerais ne pas. Alors, la vérité, c'est que c'est quoi les petits trucs que t'as dû faire, peut-être, dont t'es peut-être un peu moins fier? Je sais que tu t'attends à ce qu'on cherche les casseroles et tout, mais ça serait cool à la limite que tu sois même fier de tes casseroles. Est-ce qu'il y a des petits trucs que t'as dû faire pour justement accéder à ces postes? Oui, j'ai tourné dans des courts-métrages étudiants. Ouais. Et bon, voilà, le résultat, il est ce qu'il est. Ça veut dire que ça ressorte. Ça veut dire ne comptez pas sur moi pour vous donner ni des titres, ni qui a réalisé. Jamais. D'accord. Bon, on va faire notre enquête. Un rôle. Alors, est-ce que tu jouerais une femme au cinéma? Bien sûr. Est-ce que tu jouerais un méchant au cinéma? J'adore. Est-ce que t'as déjà été tout nu au cinéma? Oui. Est-ce que tu te fais doubler ou on te voyait vraiment tout nu de partout? Non, on m'a fait. Sinon, Yannick se propose. Non. Il a déjà fait. On m'a pas vu. Il y aura un tout petit problème de raccord sur la couleur. Le mec de dos, il est blanc. C'est, le mec, genre, il est doublé. Le truc, il a rien compris. Vincent Vermignon est doublé par un blanc. On comprend pas. Ouais, enfin. tout nu, c'est-à-dire que non, on a pas vu, voilà, mes parties génitales ou grotesques, mais voilà, on a quand même vu 95% alors, de corps. Qu'est-ce qui est le plus agréable quand on est acteur? Tourner des scènes. Il considère quand même que cette partie-là fait 5% de son corps. Ouais, c'est ça. C'est énorme, c'est quand même. C'est un peu effrayant, quand même. Ça fait peur, ouais. Et tu as raison de le dire. Et ben, tu sais quoi? J'ai envie de te dire que quand on avait 18 ans et qu'on sortait de soirée de l'anniversaire, là, du Robert et qu'on pissait les uns à côté des autres, machin, t'as bien grandi, hein. Bon, bref, peu importe. Tout ça pour dire que... Faut pas songer ça, frère. Si, bref, on a des dossiers sur toi. Il y a des gens qu'on n'a pas réussi à joindre, mais c'est pas grave, tu reviendras. Les scènes d'amour, oui, dans le film, t'en as déjà faites? Ouais. Est-ce que t'aimes bien? Ou est-ce qu'il y a un petit malaise, parfois, quand même? C'est pas évident, parce qu'en fait, on n'est pas seul sur un plateau. Ouais. Il y a 20 personnes, il y a le mec qui tient la perche, il y a celui qui filme. Il y a quelqu'un qui tient la perche pendant cette année. Non, pas cette perche-là, mec. Ouais, c'est compliqué, c'est pas évident. Et mais... tu y crois à ces légendes qui disent que certaines scènes d'amour sont réelles au cinéma? Moi, j'y crois, oui. C'est-à-dire qu'il peut vraiment se passer quelque chose et concrètement, toute l'équipe du film est complice, personne ne laisse fuiter, il laisse véritablement et il capte ce moment de magie en fait à l'écran. Oui, il y a des réalisateurs qui fonctionnent comme ça, par exemple Marc Dorcel, Jackie Michel, non, John, voilà, Biroute. Ouais. Ça dépend des réalisateurs, mais il y en a, oui, qui veulent que ça aille beaucoup plus loin. Après, en tant qu'acteur, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Est-ce que tu pourrais jouer le rôle d'un homosexuel? Bien sûr. Au cinéma. Ouais. Est-ce que tu pourrais jouer le rôle d'un animal? Alors, je m'explique. Genre, demain, il y a une grosse production qui sort et il faut doubler la voix en français d'un animal. Tu le fais? Mais carrément. Tu aimerais quoi comme animal, par exemple? Un animal, je sais pas, moi, ce serait cool. Un lion, un aigle, un truc comme ça. Est-ce que tu pourrais... on dit pas un aigle, on dit un oiseau de couleur. C'est très subtil comme blague. Un nègre. Non, mais c'est même pas une blague. C'est pas mal. C'est une blague. C'est très subtil, hein. C'est moi, très, j'aime bien. Ah, Vincent. Je viens de te rejoindre. Ok. Est-ce que tu pourrais jouer R2-D2? Tu sais, des fois, il y a des trucs un peu hallucinants. C'est des choses qui nous ont marqué, par exemple, dans la saga Star Wars. Mais c'est des acteurs qui sont un peu méconnus, par exemple. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui restent dans l'ombre, mais qui donnent vie à des objets ou des personnages qui sont pas forcément peut-être réels. Peut-être plus C3PO. Ouais, parce qu'ils rentrent pas dans les R2-D2. Il est trop grand. Il est trop grand. Est-ce que tu pourrais jouer un rôle comme ça de l'ombre? Ouais, je pense, oui. Oui, tout dépend. Après, tout dépend de ce que j'ai à jouer. Si c'est bien écrit, si je prends du plaisir à le faire, tant mieux. Eh ben, écoute, moi, je crois qu'on a un vrai acteur en face de nous. Il a peur de rien. Ouais. Il est à l'affiche du gang des Antillais. Nous avons... qui c'est qui applaudit, mais vraiment comme une otarie? Maman. Bref, on a Diana qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir, Diana. Salut. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et vous êtes tous les deux. Alors non, pardon, vous n'êtes pas au même endroit. Il y en a une à Gourbert et l'autre qui est au Gosier. Ok. Ah. Vous êtes a priori censé être testé sur votre côté antillais. Vous allez défier Vincent Vermignon à l'affiche du gang des Antillais pour lui montrer que vous êtes peut-être plus antillais que lui. Nous vous testons sur le chip. Attention, c'est le défi. Les auditeurs vont voter. Nessie qui me demande, tu mets pas un jury pour ça? C'est la meuf, elle est pas prête sur sa rubrique. Je te signale que ta rubrique, je l'attends depuis 16h. Hein. Quand elle t'a vu passer le pas de la porte, elle a fini. Elle s'est dit, mais, ah oui, il est quand même comme dans le feuilleton. Mais je t'ai eu au téléphone. Donc, du coup, tu m'as eu au téléphone pour... Oui, bah, pour me dire, tu veux manger lundi prochain, j'ai une copine qui fait la cuisine. Je t'ai parlé de ma rubrique. Nessie, mais tu as bloqué sur la cuisine. Nessie, je comprends. Nessie, on peut passer à la séquence? Oui, oui, oui. Alors, Vincent va nous exprimer son côté antillais. J'ai déjà expliqué, Nessie, c'est bon. Faisons un superbe chip. J'ai déjà expliqué. Mais il y a des gens qui vont devoir juger de ce côté antillais de Vincent et des deux autres intervenants. Allez, on commence, honneur aux dames, c'est Diana qui est avec nous. Attention, nous te chronométrons. Il doit être beau, il doit être long, doit être magnifique, il doit être expressif. Tu seras le chip de référence. Es-tu prête, Diana? Oui. Attention, 3, 2, 1, go! Je Ah ouais, c'est une antillaise. Non, Diana fait, non. Eh ben alors... Allô. T'as où comprendre. Tu as commencé. C'est vous qui a déclenché moi. Tu l'as fini, ton chip. Oh. C'est Dory. Alors moi par contre j'aurais pas apprécié. C'est Nessie qui se moque de quelqu'un d'autre. C'est pas cool. Wow. Alors refais-nous ton chip. Attention à 3, 2, 1. Hein? Ok, t'as perdu. C'est quoi ça? On aurait dit un skater ou un mec qui fait du roller qui vient de freiner, tu sais, sur le côté. Refais-moi ça. 3, 2, 1. Ah, là oui. Elle le fait un tout petit peu plus loin du téléphone. C'est bien. Ok. Attention, Mathieu nous rejoint, candidat dans la compétition. Mathieu. Oui. 3, 2, 1. Un bisou. Mathieu, tu peux nous refaire ça s'il te plaît? Le jury n'a pas compris. Le jury n'est pas sûr d'avoir compris. Est-ce que tu peux nous refaire ça s'il te plaît, Mathieu? 3, oui. 2, 1. Maman. Un oiseau. Un petit bisou à ta copine. Gardez vos commentaires, attention, vous avez 2 minutes pour vous améliorer et challenger Vincent. Pour l'instant, Vincent, tu te concentres, tu vas nous faire une belle prestation. On revient dans moins de 30 secondes, hashtag G97, hashtag TraceFM pour le défi, 0800 22 23 200, à tout de suite. Le gang des Antilles, yeah. Le nouveau film de Jean-Claude Ferme. Tu as l'âme d'un DJ, tu adores la musique caribéenne. Fais ta vidéo d'une minute 30 max, commençant par la phrase Trace DJ Contest, The Bubble Day Guadeloupe, samedi 3 décembre 2016. Envoie-la par message privé sur la page de The Bubble Day Guadeloupe jusqu'au 20 octobre minuit. Les 10 meilleurs seront postés sur la page. Tu as plus de gemmes, gagne tes 30 minutes sur la scène du Bubble Day à Bemao. Et ton nom dans la line-up DJ. Ton passe pour t'éclater t'attend sur le Facebook The Bubble Day Guadeloupe avec Orangina, Peugeot, Simply CrossFit et Trace FM. FM. Hey Russia, battle a money a program. And I feel like Taiwan. Ah ah. Wind up me baby, mettez-moi âge. Dévastez-moi qu'on l'arme. Tsunami. Oh man, me love so. Laissez-moi soigner au music codeine. Moi c'est un artiste, moi qui bat un volé rime. Mène en Medellin, girl. Moi quoi qu'un animal bon fait Eline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y fais tout stress sans aller pour l'île. Toutes copines ont déjà dit ou fuck ou follow him. Girl follow me, mais madame Bendo, ça doit ça clean. Ah, everything nice on the day in Colombia. Fais-moi planer qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion. Guapa, on nous fly, señorita. Love your body girl, yeah me love your body girl. À peine levé les bons matins, on vient t'es fort. On qu'à mettre aussi piédestal. Les sans carte et gana sans escale. Yo du me ou mentala, c'est un danger. La vie au pas t'es facile, ça qui est changé. Mon pas qu'à vendre les pans sentir. Dis-moi ou pas viser mes filles. Ah, everything nice on nous taille Colombia. Pas de gueule qu'à faire, moi planer qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion. Guapa, on nous fly, señorita. I rush on. Why let me baby, mettez-moi high. Dévastez-moi qu'on l'armée.

très récent, nous, le fait qu'on puisse monter sur le devant de la scène en termes d'acteurs, en termes de communauté anti-guyanaise. Mais par exemple, quand tu regardes l'industrie du cinéma coréen, souvent il y a des gens qui te disent « Mais le mec est japonais !» Enfin, ça, il faut être vraiment pointu, hein. Le mec est pas vraiment coréen. Qu'est-ce qu'il fait dans un film coréen? C'est pas cohérent. Et vice-versa, aux États-Unis, ça arrive beaucoup quand ils cherchent, par exemple, parfois un mec qui est originaire des Antilles pour interpréter un rôle fort des Antilles, on a l'impression qu'il choisit soit un Africain, soit... T'as un peu cette impression-là ou t'as l'impression que seul un Antillais ou seul un mec légitime pourrait jouer le rôle? La légitimité, je pense que c'est quelque chose de très subjectif. Par exemple, sur le gang des Antillais, voilà, moi je suis martiniquais, il y a un Guadeloupéen, il y a aussi un Africain. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était de prendre les meilleurs comédiens possibles pour représenter l'histoire antillaise. C'est ça aussi. Parce que finalement, c'est un peu une performance pour un acteur de lui dire, bon, écoute, tu es congolais, tu vas me jouer un Guadeloupéen. Tu es Guadeloupéen, tu vas me jouer un Chinois. Bon, il y a des combinaisons un peu plus compliquées. Il y a des combinaisons un peu plus compliquées. Mais après, je pense que ça dépend. Ça aussi, c'est un travail d'acteur. C'est-à-dire que si par exemple demain je vois un Africain, moi je vais partir au moins en Afrique et puis je vais essayer de mettre en immersion totale pour essayer d'être le plus crédible possible dans mon rôle. Il y a ça aussi. On est en mode défi. On teste son antillanité, son identité antillaise. Alors pour le coup, il est vraiment martiniquais, mais ça fait un petit moment qu'il est exilé à Paris, en fait. Est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il traîne beaucoup du côté de Châtelet-Léal? On a Diana qui nous a fait un chip plutôt timide. Du coup, elle a déclaré forfait. Mathieu tient le battle jusqu'au bout. Mathieu. Allô, allô. Allô. À 3, tu vas me refaire ton chip s'il te plaît et ton meilleur chip parce que je suis pas sûr d'avoir envie de garder l'autre comme référence. 3, okay. 2, 1, on y va. On dirait qu'il déchire une page de papier, tu sais. Bon, en même temps, on va mettre ça sur le compte de l'opérateur téléphonique. Attention, je veux un autre chip dans le studio. Tiens, Lilou, allez, c'est parti. Ah ouais. Calme-toi. C'était un chip. Si elle te fait ça, c'est qu'elle a Yoshi. Pas trop kiffé. Yoshi, c'est pas mal. Il est très humide. Nessie. C'est pas mal. Ouais, mais la tête qu'elle fait avec, ça... C'est du mal. C'est quel dinosaure, ça. On est en live sur Facebook. On est en live sur Facebook. Est-ce que tu peux me refaire ce chip, s'il te plaît? Visuellement. On dirait qu'il y a un truc qui la gêne. Hugo. Et attention. Fais ça bien. Et attention, nous allons demander à Vincent de soit nous surprendre, soit nous faire beaucoup rire. Tu es prêt? Vas-y. 5. 4. La pression. 3. 2. 1. Il a tout tué. Eh, mais j'avais pas entendu ça depuis que j'étais allé voir ma mamie. C'est validé. Wow. On est désolé pour toi, Mathieu. Mais étant donné qu'il y a des cadeaux à gagner, on va t'enfiler évidemment hors antenne. Mais t'as perdu le battle. Désolé, mec. S'il y a d'autres challengers derrière la radio, vous débarquez au 0820-203-200. Attention, on va jouer dans un petit instant également avec un blind test. Alors, si vous aimez le cinéma et que vous êtes derrière la radio, attention, ça, c'est pour toi. On va vous tester sur la musique des films. Vous allez vous battre et combattre Vincent Vermignon. Il est dans le milieu, mais si ça se trouve, t'es encore bien meilleur que lui en matière de mémoire cinématographique. On va tester et la musique et les répliques de grands films. 0820 203 200. D'ici là, c'est de l'appel crétin. On appelle qui pour l'appel crétin? On appellera la famille. On appelle tout de suite la famille Cuny. On va composer le numéro de téléphone. Ça existe, ça? Oui. La famille Cuny. Cuny. Ok. Sérieux? Famille Cuny. C'est le retour de l'appel crétin dans Génération 9-7. Oui, allô. Oui, allô, oui. Bonsoir. Oui, c'est Nicole ? Non, non, non, c'est Marie-Denise. Marie-Denise, vous faites pas erreur ? Je ne te dérange pas ? Je ne suis pas sa femme, priez pas. Ah, mais c'est toi que je veux parler ? Oui, c'est-à-dire, à savoir. Monsieur Cuny-Ravet ? Oui, oui. Monsieur Cuny-Ravet ? Oui, oui, et vous, c'est qui ? Marie-Denise ! Marie-Denise. Oui. Peut-être que tu ne te rappelles pas. Je t'appelle, en fait, pour vérifier si tu fais toujours les mêmes prestations. Les prestations de... C'est Monsieur Cuny-Ravet ? Oui. Oui, donc ça consiste en quoi exactement, Cuny-Ravet ? Les prestations, c'est-à-dire... Mais c'est-à-dire... donc moi, je vois Monsieur Cuny-Ravet. Forcément, je suis très intéressé. Oui. Bon, c'est un peu bizarre de faire ça avec un Ravet, mais je suis très intéressé par la partie Cuny, Monsieur Cuny-Ravet. Ah oui, moi je suis plus célibataire, je suis marié et tout, quoi. Mais c'est pas grave. Elle se couche à quelle heure ? Moi, je vais me coucher bonheur, quoi. Non, pas toi, la dame, madame Cuny-Ravet. Ben, quand moi, ouais. En même temps que toi ? Oui, mais toi, oui, et toi, t'es doux. Moi, je suis très douce. Je suis une femme affectueuse et très douce et à la recherche d'intimité. Oui, oui, je comprends, d'accord. Bon, ouais. Donc, tu penses que ce serait possible à quelle heure ? Non, mais moi, je peux pas. Hein. Toi, vraiment, je peux pas. Hein. Mais, monsieur Cuny-Ravet, ce serait faire mentir ton nom ? Non, non, non, non, je ne suis pas libre, toi, je veux dire. Bah, tu n'es pas libre cette semaine ? Non, non, non, non, je peux pas, non, non, non, non, non, non, alors, non, non, non, non, non, non, elle... écoute, non, non, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est à côté de toi, c'est ça ? Oui, c'est du coin. Elle a... Oui, oui, oui, je suis du coin, je suis pas loin de chez toi, je pense qu'on doit être à deux rues à peu près. Attends, où t'habites ? Tu vois le cimetière ? Oui. Oui, la rue qui quitte le cimetière. Oui. On traverse ? Oui. Et là, après, sur la gauche, c'est une impasse. Donc, on peut se voir ? D'accord, attends, ouais. Bon, ben, monsieur Cuny-Ravet, je te laisse coucher ta dame et puis tu me retrouves une vingtaine de minutes après, d'accord ? Oui, écoute. Bon, ben, monsieur Cuny-Ravet, je prépare tout pour toi. Et puis, n'aie pas peur, je mets la bombe insecticide au placard. Oui, oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. J'ai qu'une question. Où est-ce qu'il va dans 20 minutes ? On est dans quelle commune, en fait ? C'est Vieux Habitants. Il va te rejoindre ou pas ? Mais je sais pas si j'ai le temps d'arriver, là. Génération F7, 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Pour mon friend qui l'a genre la frio. Mon bado pas mi frio. Mon rail c'est mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pique la radio capa et ton dépôt plein de gaffa. Pour mon friend qui l'a genre la frio. Dans la pompe frio. Mon rêve c'est mettre le vel à tout ton prédit. Ton pique la radio capa et ton dépôt plein de gaffa. Ça rabaille rendez-vous centre pénitentiaire. Si mes bas nous semi-liberté, permission, refusé, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talon est pour pousser. C'est bête à la cababo maltaine. Parfois, bad baya carré disopi. Surtout l'homme à guest, tu pour la tête. Ma camane disait tirer une haine. Pour son friend qui l'a genre la frio. Pompi DJ frio, man. Mon rail c'est mettre le vel à tout de ton petit top. La radio cabaye, ton dépôt plein de gaffa. Qui la joue la frio, mon bado ta la frio, mon rail fait mettre le vela, c'est ton petit ton pique la radio papa et ton épaule plein de gaffa. Non, non, bon palais pour tourner là-bas. On laisse aller. Ne ressemblera à la nôtre, elles ne seront jamais toi. Tu peux l'entendre 97, ce soir on reçoit Vincent Vermillon. Il est à l'affiche du gang des Antillais, il a joué aussi dans la série Cut. Ah, alors toi tu l'as préféré dans quoi là pour l'instant? T'as pas vu le film encore? Bah, j'ai pas encore vu le film donc je dirais Cut pour l'instant. Tu sais, les gens sont tous en train de se dire les animateurs radio, ça va toutes les avant-premières. Pas quand tu fais un show où tu peux pas t'absenter. On n'a pas encore pu voir le film, mais clairement on a des invitations d'ailleurs à vous offrir du côté du Standard. Allez le découvrir parce que c'est un pan de l'histoire de notre communauté et au-delà de ça, c'est très très bien fait. Avec d'ailleurs, je me demande si parce qu'il y a plusieurs, il y a eu plusieurs tentatives en tout cas sur la question. Vous avez fait des propositions d'ailleurs sur le web. On a essayé de classer le top 5 des films qui peuvent parler de problèmes qu'on connaît aux Antilles ou alors notamment qui ont été des grands succès pour la communauté. Je suis sûr qu'il y a Siméon de classé. Oui. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir Neg Marron. Oui. Ouais. Tu mettrais quoi d'autre encore dans le top 5? La rue Cazeneg. Ah oui. Exact. Alors ça, la rue Cazeneg, c'est le film que tout le monde a vu. Ah oui. Même si tu voulais pas le voir parce que tu as ta prof de français qui a dit aujourd'hui c'est cinéma. Tu as fait ouais. On va voir la rue Cazeneg. Mais pourquoi tu mets pas Fast and Furious, madame? Pourquoi pas Fast and Furious? Le feu. Non mais il est bien le film. Ah, cette scène-là est magnifique. C'est quand ils mettent le feu. Ah non, je vois pas. Ah, tu, c'était des déjà en mode tu testes les répliques Non. Là c'était du. C'est gratuit là. Ok. On va tester justement d'ailleurs ta connaissance si tu es un cinéphile. Si tu es. Si tu adores le cinéma. Si tu aimes les répliques. Si toi aussi à un moment ou un autre de ta vie, tu as fait comme Vincent quand il était un peu plus jeune. Que tu refaisais les bandes annonces de films en disant Vincent Vermeillon in the roll off. This summer, discover a real feeling between a man and a woman. Vincent Vermeillon, Laetitia Casta. Moi j'ai fait ça comme un connard, mais toute mon enfance ça m'a amené à la radio. Putain, lui ça l'a amené au cinéma. T'as le choix, on va te mettre un auditeur en face 0800 22 103 200. Tiens, tu sais quoi, j'ai envie de prendre le battle contre toi. Je prends le battle contre toi. Boom. On y va. Je te laisse le choix. Musique ou réplique? Réplique. Réplique. Ladies and gentlemen, première réplique. Mais c'est au plus rapide ou... Ouais. On y va. Première réplique. Il va lui faire une offre qu'il ne pourra pas. Stop, je sais, le parrain. Bah, maman, t'as mis l'accent, fallait pas mettre l'accent, ça. Mais si. Stop, deux petites secondes. Deux petites secondes, il y a une connivence. Mais non. D'où? Ah, Bitsy, wow. Ouais. Je vais donc demander à Sabri de me refaire, s'il te plaît, la phrase, de manière à ce que les gens puissent jouer également derrière leur radio, si ça vous dérange pas. Hein, on y va. Donc, la phrase en question, c'est... Je vais lui faire une offre. Ah, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra refuser. Ça aurait pu être le parrain aussi. Ben oui. Ça aurait pu être Narcos aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Alors, on enlève les accents, on rend le truc un tout petit peu plus difficile. Attention. Okay. La phrase simple et même peut-être pas dite comme elle a été dite dans le film. D'accord, ouais. Ouais, tu vois le genre. Je vois exactement. Tu vois exactement. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. Ok. On y va pour un extrait musical. Attention, premier extrait. Ouais. Alors répondez pas tout de suite. On laisse les gens jouer derrière leur radio. Tu nous donnes le signal quand est-ce qu'on peut répondre. Ok. Je réponds. Non, il a levé la main avant. Mais ouais, mais Vincent. Marco, mais. Vas-y. Si tu aimes cette chanson-là, si tu connais le film, tu es pas un real Batman. Alors Vincent, ta réponse. Répondez la question. Titanic. Bonne réponse. Et tu connais la version gros Yannick ou pas? Vas-y. Putain, il m'énerve, il me gonfle. Est-ce que tu peux pitcher un peu les sons, détourner, remixer, parce que c'est trop facile pour lui. On essaye une deuxième réplique. Attention, célèbre de film, vous êtes derrière la radio, vous proposez 0820 230 200, on joue également sur Twitter. Tu vois? Le monde se divise en deux catégories. Maman. Ceux qui ont appuyé. Stop, il a levé la main. Le bon, la brute et le truand. Magnifique. Messieurs. Oh, tu peux me donner la phrase, s'il te plaît? Avec la vraie voix. Tu vois? J'ai été surpris. Tu vois? Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Maman. Non, je sais pas si... Putain, il est bon. Deuxième extrait musical. Stop! Je prends! Vas-y Yannick! Ah, ce cycle éternel! Maman, le gars connaît les paroles! Ah. Quel enfant béni! Alors, c'est quoi? Immortel! La ronde infinie! C'est le Roi Lion. Le Roi Lion. Oui, bonne réponse! Mais quelle chanson! C'est le cycle de la vie. Maman, le cycle. Non, c'est le cycle de la vie. Parce qu'en anglais, c'est The Circle of Life. Of Life. C'est bien ça. C'est l'histoire. Merde, c'est peut-être l'histoire le titre. C'est l'histoire de la vie. Musique de Elton John. Bon, bref. C'est pas Johnny Clegg's avocat. Ça aurait pu. Attention, on enchaîne sur une autre réplique. À Julien. Non, en même temps. Alors, Yannick, pour encore plus, il faut donner le prénom. Il faut donner le prénom. Alors, pour que les auditeurs puissent vous départager aussi à donner les prénoms, parce que sinon il y a que moi et tout, ils vont croire que je suis un arbitre si haut. On la refait ? Ok. Yannick. Je dis... Je prends mon temps en plus pour le dire. Mm-hmm. Je vais dire... Adrien ! Adrien ! Et c'est Rocky, Balboa. Alors Rocky... Non, c'est bon, arrête. Attends. Alors, cette phrase-là, c'est Rocky 1. Ouais. En chouard. En chouard. Ah, c'était dégueulasse. Rocky 1. On joue toujours contre Vincent Vermillon et vous aussi, où que vous soyez, hashtag G97, hashtag Trace FM, vous débarquez en direct 0800 22 30 200. La suite du clash du cinéma débarque dans un petit instant. Attention, nouvel extrait. Je prends Yannick. Aïe aïe aïe. Attends. Man, essaye une autre réponse. Attends, donne-nous ta réponse. Je sais. Vas-y, arbitre. Je ne doute pas que vous ayez la bonne réponse, mais rien que pour savoir ce à quoi Nessie pense. Nessie, ta réponse. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. Mais dis quand même. Pirate des Caraïbes. Attention, on la refait. Je peux y aller là, c'est chaud là. On y va, on la refait. Je suis Jack Sparrow. Et je pilote le Black Pearl en direction de l'étoile noire. Où allons-nous, Moussaillon? Où allons-nous, Moussaillon? Zouké la grand voile. Zouké la grand voile. Zouké la grand voile. C'est Star Wars, mais je sais pas lequel. La marche de l'Empire. Ah, le titre exact, c'est là. Ah, ça vaut un demi-point pour les deux, là, quand même. Quand même. Ah ouais, non, c'est pas mal. Une autre réplique de film. On y va, c'est parti. On va essayer plus difficile, je le fais sur la musique de Star Wars pour déstabiliser. Yippee-ki-yay, motherfucker. Comment ? Yippee-ki-yay. Je prends. Yippee-ki-yay, pauvre con. C'est ça la phrase. Motherfucker en anglais. Ouais, mais Yippee-ki-yay. Excuse-moi, non, j'ai pris la VOSTFR, c'est pour ça. Excusez-moi les gars, les amis. Yippee-ki-yay, pauvre con. Vous parlez d'un film à une époque où les gens ne regardaient pas les versions originales sous-titrées. Ok, c'est Yippee-ki-yay, pauvre con. Elle m'avait dit, viens en Californie, viens passer les vacances avec moi. Bruce Willis, piège de cristal. Badam. Badam. Bien joué. Non, j'aurais jamais trouvé ça. J'aime bien le truc spontané. Bon, on a un autre extrait, je crois. On a un autre extrait, ça ne rigole plus. Mais là, je suis tendu parce qu'on est à combien là du score? Non, je crois que tu mènes. Hein. Oui, je mène pour l'instant, mais mec. Mais vas-y, Nias. Mais non, mais j'essaie de me souvenir. Allez, un coup pour rien. Okay. On y va. Prochain extrait. Vincent. Vas-y, Vincent. La première étoile. Ah, bien joué, bonne réponse, c'est ça. Non, c'est pas exact, c'est la Perfecta qui chante. Soleil. D'accord. Chaud. Magne, chaud, la neige, chaud. Première étoile, chaud. Lucien, chaud. Vincent, chaud. Génération 97, chaud. Bon, ok, c'est bon pour la première étoile. Une autre réplique. Attention, on l'a fait sur la musique de la première étoile. Et aussi signé la Perfecta. Comment définir la voyelle? C'est ce que tu vois sans toi. Matrix. Yeah. Attends. Non, je prends. Comment définir le réel? Tu peux me refaire la vraie voix, s'il te plaît? Alors, c'est Morpheus. Vas-y, fais Morpheus. Morpheus. Bon, grosso modo, t'arrives pas à faire la voix. Ouais. La voix un peu blague, grave. Ouais. Ok. C'est quoi la phrase? Fais péter. Comment définir le... Bah, tiens. Fais péter. C'était le dernier. C'est le dernier. Putain, alors attends. Moi j'en ai su. Comment définir le réel? Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau. Ouais. Moi j'aurais... Ouais, j'ai pas retenu cette phrase-là dans le film. Non. Ça fait vraiment geek en fait, je trouve. On a un dernier extrait. J'allais pas te donner la pilule bleue et puis le petit lapin. Ouais, j'aurais pensé. Voici le dernier extrait musical. On en est où du score? Alors pour Vincent, il y a 5 bonnes réponses et demie. Et pour Yannick, il y a 3 et demi. Tu veux que je te laisse la dernière? Je te laisse la musique. Tu sais quoi? La dernière vaut 3 points. Non, vaut 4 points. L'arme des faibles. suis chez moi, ok. La prochaine fois que je fais une apparition figurant sur ton film, ok, tu pourras me vanner, tu pourras faire ce que tu veux, ok. Mais là, pour l'instant, je suis chez moi. Vas-y. Dernier extrait. On y va. One drop. Ah, après la pub. Non, non, c'est pas vrai, je... C'est qui, il fait où? Ouais, il y a la page. Hein, il a été trop près. Respire, mec. Putain, c'est à ce moment-là que je regrette de pas avoir un super pouvoir, tu sais, de pouvoir voir dans le futur, juste pour gagner. Tu sais, moi, j'ai tellement la gagne à l'intérieur de mon corps, mec. C'est chaud. Là, il va gagner, sinon après, il va être exécrable. Non. Vincent. C'est facile. Mais non, ça vaut 3 points. Mais non, mais c'est les réflexes, désolé. C'est pas... super facile, mec. Je sais pas ce que c'est. Non. Non, je sais pas ce que c'est. Non. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. Yannick, tu sais c'est quoi ou quoi? Ben oui, je sais ce que c'est. C'est quoi? Non, mais tu sais quoi, ça, par contre, je vais t'expliquer un truc. Dans ma vie, dans ma vie, j'aime bien gagner, mais j'aime pas qu'on me fasse gagner. J'aime pas ce genre de truc. Ok? Il a détecté. Putain, ça m'énerve. Alors là, pour le coup, tu as été super mauvais acteur, hein, parce que je t'ai collé. Hein. C'est la BO du film. La langue des Antilles. Et ouais. Ouais, bonne réponse. Avec Vincent Vermignon, avec JJ Apali, avec une réalisation de Jean-Claude Flamand-Barney. Yes. Et c'est allé... Putain, et ils ont quand même réussi un sacré tour de force. Hein. Imagine-toi. En fait, les Carimi ont enregistré cette chanson. Après, ils ont vu le film et ils ont séparé le groupe. Ils ont dit, plus jamais je chante avec toi, plus jamais. Tu vois, ces mecs-là, ils étaient vraiment potes. Ils étaient vraiment potes. Il y en avait un qui était prêt à mourir pour l'autre, machin, etc. Et nous, on chante ensemble depuis des années. On fait l'amour aux mêmes meufs. On n'est plus potes, les gars. Carimi, c'était fini. Nous ne voyons pas d'autres explications. On voit pas ce qu'il a pu se passer d'autre. C'est à l'affiche en ce moment à Madiana, c'est également au Palais des Congrès de Madiana, d'Agora, le Rex d'Arbo. Le Rex d'Arbo aussi, le Gang des Antillais. Et bientôt à Paris, attendez. Bientôt à Paris, pourquoi il est pas sorti encore? Le 30 novembre. Ah non, en exclusivité aux Antiguyennes. First. Ah, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on fasse le buzz autour, tu sais, pour qu'ils se disent Gaumont, tu sais, par exemple, ils disent merde les gars, on a raté la signature de l'année. Mais c'est exactement ça en plus. Hein. C'est vraiment ça. Les UGC, tu sais, genre les UGC. Et les mecs, on va mettre ça en 3D, hein, les mecs. Hein. Pourquoi ils ont un accent béquet, les gars du UGC? C'était pas un accent béquet, c'était la voix, tu sais, qu'on nous servait. Et vous vous rappelez de cette époque, les vieux films, moi j'aime bien les vieux films. J'ai pas vécu en live, mais les vieux films dans lesquels il y a Sidney Poitier. Il avait toujours la même voix, et dès qu'il y avait un black dans un film, c'était la même voix. Le mec, il faisait ok, mec. Y a pas de problème, mec. On va gérer ça. C'était la voix aussi dans des séries. Eddie Murphy, la voix d'Eddie Murphy. C'était Eddie Murphy? Non, c'était la voix d'Eddie Murphy en français. Ouais, mec, putain, non. Ouais. Et Greg Germain est la voix, en fait, de Eddie Murphy, mais aussi de Will Smith, si je dis pas de bêtises. Greg Germain qui est guadeloupéen. Et de l'âne dans Shrek. Non, c'est pas la même chose. Med Hondo. C'est la voix de Eddie Murphy et c'est la voix également de l'âne de Shrek. Mais dans ok. Et après Martin Lawrence, tu sais, dans Bad Boys par exemple. Ça c'est Lucien Jean-Baptiste. T'as un mec, tu sais, la grosse voix d'Denzel Washington sur certains films. Ou encore Samuel L. Jackson, c'est un mec qui s'appelle Martial, je crois. Thierry Desroses. Et il y a Thierry. Ouais, alors ils sont deux sur le coup. Il y a Martial, son prénom, tu te rappelles? Jean-Michel. Jean-Michel Martial et la grosse voix, grosse voix de Samuel L. Jackson, c'est Thierry Desroses. Jean-Michel Martial, c'est le chef dans South Park. Ah merde! Et tous ces gens-là, et tous ces gens qu'on vient de vous citer, surtout, sont Antillais, mine de rien. Oui. Maman, le gang des Antillais à l'écran, mais le gang des Antillais aussi dans la vraie vie. Hein. Bouge pas, Vincent, on va se mettre un petit peu de musique, on revient juste après. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200. Bah, tu restes tant que tu sens bien avec nous, il n'y a pas de problème, t'es là. On revient, on prépare quoi? Il y a le top 5 des films qui ont le plus marché aux Antilles-Guyane. C'est ça. Mais qui parlent parfois de nous, ou parfois pas, non? Qui parlent que de nous? Alors, enfin, qui touche la communauté, quoi. J'ai très réduit, ce sont les top 5 des films produits, réalisés ou avec des acteurs antillais qui ont le plus marché aux Antilles. 0820-203-200, si vous êtes capable de nous donner des films dans la liste, vous repartez aussi avec des cadeaux. Et puis il y a l'iPhone 7 aussi qu'on vous offre ce soir. Restez vigilants. DJ, music. We so fly. She so fly. Yeah. Bad girl style. Yeah. I just the body with me, but I don't wanna cry for. Yeah. Loving when you whine for me. Tell me what you want, baby. I'm a loving when you hug, baby. Oh, love. Tris. What's a whine for me, dilly like a bike round the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Tris. Hold up on my body and Tris. Set it. Broke out my back, yeah, Tris. If you set it. It's flying a world, no, Tris. Set it. Hold up on my body. Hold up on my body. Love how me set it. Set it. Set it. Tris, I set it. Set it. Set it. Roll on, set it. Set it. Set it. Watch how me set it. Set it. Set it. Boy. Why my body may not stiff like soldier? Oh. Table top make the blues take you over. Let me hold the hole in a clear if you smoke. Some of you could just pull up the motor one time. Let me create and soul. J'ai vu là c'est pas lambada. Il a fait ses femmes l'encassé, rien y'a qu'on pas caille. Moi, peux passer mes messages en l'air pour parler ma peuple. Bon, mais y'a rien de choupa pas mes grands young style. Nous pas qu'à parler trop, tu as baigné un drum drum style. Là, j'ai un X-Men, nous bien, on son lambda. Cet gars là, c'est pas des comics à la American Pie. On n'est pas meilleur dancehall, pas meilleur dancehall. Pas meilleur dancehall, on n'est pas meilleur dancehall. Pas meilleur dancehall. I need a bad girl like Riri. Bad girl. I need a young thing like Kylie. Yeah. I need a slim ass like Kendall. She blow me like a candle. See the foot so, make her kneel it. Bend your back now, paraplegic. Bust a bad wine, maybe see me. Two away a score like a freaky. Say you freaky, me have a sweetie. You no boring, girl, drop a sleepy. You have a secret, Victoria keep it. Me a reveal it, me a reveal it. I need a bad girl like Riri. I need a thick ass like Nicki. I need a slim ass like Kendall. Ooh, she blow me like a candle. I need a bad girl like Riri. Bad girl. I need a young thing like Kylie. Ooh. I need a slim ass like Kendall. She blow me like a candle. Watch out for the wire. The days of Corville straight to Kentire. The entire place don't know me tempire. Yes, aya, praises a figure to the Messiah. From your shaky, your time expire. The thugs them from them sweet, I don't know them. Don't give a fuck a who grow them. Them a hype up a them papi show them. Them a hype up a who grow them. From them sweet, I don't know them. Don't give a fuck a who grow them. Them a hype up a them papi show them. Them a hype up a who grow them. Chat place lock boy, this a dopey bat. Some boy life lost like a phone contact. I feel them a food even if me not have no teeth like all this. Food man a snap slip. Big up T-Jo Spam, big bad DJ. Sans savoir ce qui m'arrive, j'avance seule et selon mes envies. Je passe des heures à marcher dans la ville. Je passe mes journées comme si c'était les dernières. Je veux aller à l'aventure, je veux les faire danser. Sans limite, je me fixe aucune barrière. Mon reflet communique et percé. La lumière se posait sur moi. Il est temps que je vis comme si c'était le dernier jour. Je vis comme si je te danger. J'ai envie de refaire le monde à ma manière. Non, j'ai pas envie qu'on en reste là. Je veux faire bouger mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que demain est un autre jour. Qui arrive dans un petit instant dans la génération 9-7. On est toujours avec Vincent Vermignon qui est à l'affiche du Gang des Antillais. On en parle de ce film. Il a ému beaucoup de choses lors de ses avant-premières et beaucoup de gens surtout, remué beaucoup de choses, c'est ça que je voulais dire. Martinique, Guadeloupe, Guyane. On revient également avec du sexe confessionnal. Et mine de rien, le sexe confessionnal est un peu adapté à la situation. On parlera de quoi ce soir, Lilou ? Le sexe au cinéma. Le sexe au cinéma, ok. On revient également avec le top 5 des productions qui ont le plus concerné les Antilles, Guyane. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820-230-200. Il y a du cocoteur. Et attention, même le cocoteur, il est adapté au cinéma. Ali Baba et les 40 cocos. C'est le nom, c'est son pseudo sur le site de rencontre. On vous explique le principe des cocoteurs. Un mec est inscrit sur le site de rencontre. Il se fait passer pour une nana qui le chauffe toute l'après-midi. Et à un moment, il l'appelle en live dans l'émission. Mm-hmm. Le mec qu'on appelle ce soir s'appelle Ali Baba. Et les 40 cocos. Ah, c'est un programme. Ouais. Et le mec en question qui est derrière tout ça, c'est elle. Salut. Mais c'est aussi lui. Hello. C'est elle. Bonsoir Yannick. Lui. Oh oui, salut. Ben bref, tu t'amuses, hein, toi. Il y a deux personnes dans le même corps. Vas-y, ambiance-moi le dance floor. On a Tijou également derrière les platines, la radio est libre. Ma mère me dit de rester sage. Je laissais passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Soit demain qu'on quittera le rage. Ma mère me dit de rester sage. Je laissais passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Soit demain qu'on quittera le rage. J'ai du raflé, raflé. D'aller, d'aller. Pénache me dit, moi, ça le fait, ça le fait. Mets bien la mif, donc faut mailler, mailler. Des euros dans ta poche, y'en a jamais assez. De quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne pense au bled, elle en a vraiment pas fait. Je me battrai jusqu'à ce qu'on puisse évader, fader. Le corps d'une princesse, visage maléfique. Tout est fait, ketchup, je trouve ça magnifique. Tout marche pour moi, rien marche pour ces bitches. À croire que leurs bails sont paraplégiques. Ici on brasse autant qu'on bédave. Le glock et le joint sont bien, j'ai le char. On en veut après ton héritage. 0820-203-200. Est-ce qu'on a du monde à saluer sur le web? Oui, on a la Sauvageonne qui fait des propositions pour le classement top 5. Sinon, il y a Little Mum, il y a Loulouche, il y a Laurie qui est là, il y a Yann, Yulikei. Salut, salut, bienvenue dans Génération 97. Et Francky qui envoie des cœurs. Vous connectez. À qui? Vous connectez les traceurs également sur www.trace.fm. On est en live Facebook à n'importe quel moment également de l'émission. Un gros big up à DJ Tijo Sound derrière les platines. Somebody say Boulot. Génération 97 ce soir. Prends la parole sur Trace FM. Bon, vous l'aurez remarqué, on reçoit ce soir un acteur, comédien. Franchement, on l'a kiffé dans Cut. Et franchement, même moi qui aime pas forcément les feuilletons, les séries comme ça, tu vois. Putain, Cut, c'est terrible parce que vous avez déjà remarqué à la fin, au moment où il lâche le générique, il te raconte un peu plus de l'histoire, c'est énervant et t'as envie de savoir la suite, c'est viral. En fait, bref, on est vraiment la génération série et je pense que vous sentez concerné également aussi derrière la radio. Là, effectivement, il arrive sur le grand écran, mais il est aussi à l'affiche, par exemple, de Society, le film de Chris Burton. Tu t'es mis fixé une limite où véritablement tu vois très très loin, tu te vois où par exemple le plus loin que tu imagines? Les Oscars. Sérieux? Pourquoi pas? Putain, t'es mal. Allons l'emmener aux Oscars, les gars. Allons l'emmener aux Oscars. Je connais quelqu'un qui a un bateau qui peut t'emmener sur l'île Oscars. Ah ouais, franchement, les Oscars. Les Oscars. Mesdames et messieurs, Vincent Vermignon, avec nous. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200. Dans un petit instant, peut-être une autre prestation de notre part, un peu de comédie. On va voir si tu valides ou pas. Le cocoteur, ça ressemble à ça. On chauffe un mec sur un site de rencontre et à un moment, on l'estime qu'il est cuit. Ça, c'est pas celui de ce soir, c'est celui de vendredi soir. Mais c'est juste pour que vous compreniez exactement comment ça fonctionne. Il est inscrit sur un site de rencontre et lui, il a pas aimé quand on lui a dit qu'on était Trace FM. Allô, bambou de Tchernobyl? Allô, c'est Sarah? Ouais. Ah, ma salope. Ah, oui. Est-ce que tu pourras passer par derrière aussi? Ah ouais, ton histoire va devenir un trou noir. En plus, j'ai pas tondu ça. C'est très poilé. On dirait un oursin. Aïe aïe aïe. Ah ouais, j'adore ça, ma fille. Putain. Un Martinique. Est ah ouais, je vais mâcher tes poils, frère. Les poils qui vont rester dedans. Je vais les déguster pendant 10 heures. Ah, par contre, vu que mes poils sont un petit peu longs, il y a des morceaux coincés dedans. Aïe, aïe, aïe. Je vais croquer les morceaux. J'ai hâte qu'on se voit. Ben viens là même, viens maintenant là, je suis dispo. Ouais, mais je finis le travail vers 22h, 23h. Je travaille à la radio. Oh bon, c'est au café là. Je chauffe des cocoteurs. Hein? Par exemple, là on est en direct. Hein? Oh. Bah, attends, l'histoire que je veux croquer tes poils, c'était royal ou... Exprime-toi librement dans Génération 97 sur Trace FM. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a un autre en fait, qui est très très chaud, mais pas encore assez chaud à ton goût. Tu le chauffes encore un petit peu, c'est les cocoteurs qui débarquent tout à l'heure. D'ici là, attention, top 5 dans la radio, des films qui peuvent concerner la diaspora antillo-guyanaise, qui ont fait des succès au box-office ou pas forcément, qui ont un succès aussi parfois affectif. On va le faire sur... je me demande quelle musique de film pourrait nous mettre très très loin. On remet la Perfecta en fait, ça se... Non ? On remet la Perfecta ? Non ? Allez. En fait, il sait pas que c'est la Perfecta. Mais si, je sais. Soleil chaud, lendemain chaud. Mais non, mais tu aurais pu mettre la bande originale du Gang des Antillais aussi. Ah bah, ça peut être Karim. Mystère. Ça... Ouais, ça peut être Karimi, Mysté. Bon, bah, si tu veux, je mets ça. Ok, ça marche. Alors, classé numéro 5 des films qui nous touchent. On a Sucre amer de 1997. Oh là là ! Sucre amer. Ouais, ça doit de être Christian un... Lara. Christian Lara. Moi, je connais ça pas. Ça te dit rien ? J'ai jamais vu. Non. Alors, Christian Lara est guadeloupéen. Mm-hmm. Non. Guyanais. Sérieux ? Il y a deux films de Guyane qui sont dans mon top 5. On dirait qu'on est, en pleine conversation, tu sais, sur les footballeurs. Quand t'es guadeloupéen, tu penses que le mec est de chez toi. Quand t'es guyanais, tu penses que le gars est de chez toi. Quand tu es de... Thierry Henry. Mais oui, mais Thierry Henry, le guadeloupéen. Enfin bref, on se bat tous pour... Alors, par contre, Christian Lara, blague à part, j'ai vu un film, je me rappelle plus le nom du film, mais c'est une manière de monter les choses très particulière. Hein. C'est assez tourmenté, on va dire. Ouais, mais ça a surtout beaucoup mal vieilli, quand même, non ? Bah, ça a marqué 97, le box-office. Ouais. Sérieux ? Mm-hmm. Ok, classé. Ça t'a marqué, toi ? Non ? Tu l'as pas vu, le film, en fait. Non. C'est juste... J'ai vu la bande-annonce. C'est juste une enquête. J'ai pas regardé le film. Classé numéro 4. Alors, on a Métis de Mathieu Kassovitz en 93. Ah oui, avec Lola. Moi, ça me dit rien. J'ai pas vu ce film. Oui. Ah bah, justement, celle qui joue Lola, c'est Julie Moduesh. Et c'est celle qui m'a fait découvrir le théâtre en Martinique. Ah, tu vois. C'était ma prof de théâtre. Mmh. Ok. Ah, oui. Et vois. À la fin, il y a les bébés, le bébé. Mais c'était la femme de Mathieu Kassovitz, non ? J'ai pas trop compris ta fin, là, Nessie. Mais... Et les gars, blague à part, Mathieu Kassovitz, c'est le mec qui a fait La Haine. Oui. Et vous savez à quel point il a aimé les Antilles ? Il paraît qu'il s'est marié au large. Je sais pas si c'est une légende ou pas, peut-être, mais qu'il s'est marié au large, en fait, entre la Guadeloupe et la Martinique, sur un bateau, avec une Martiniquaise, en fait. Et s'est marié à Dominique, quoi. Non, c'était au large, c'était sur la mer. Non. Oui, d'accord. Mais, voilà, les Dominicains qui commencent à rentrer dans le truc et qui disent ouais, il est Dominicain, Mathieu Kassovitz. J'ai bien aimé ce film-là. Alors, moi, j'ai pas vu. Classé numéro 3. On a Rue Casnec de 83, un film de Eusan Palsy. Eusan. Oh là là. Ah non, là c'est... Ah non, le disrespect. Ça va, Schmich Brown, ça va. Ça clash. Ah non, Eusan. Pion. Non, je peux pas comparer, quoi. Eusan. Pion. Mais non. Mais vole à toi. Eusan Palsy. Je me laisse en voix. Ok. Classé. Classé numéro 2. On a Ma première étoile de Lucien Jean-Baptiste en 2009. Alors je sais pas, c'est la première étoile, c'est pas ta première étoile si ça t'ennuie pas. Ah, mais ces gens-là s'approprient des trucs des fois. Alors, classé en pole position alors. Neg Marron de 2005. Alors, non, c'est pas 2005 qui a réalisé Neg Marron. Jean-Claude Flamand Barny est le réalisateur donc de ce film. C'est également le réalisateur de Gang des Antillais, en fait, Jean-Claude Flamand Barny. 6 ans de travail quand même, c'est à l'écran. Gang des Antillais. Alors je m'étonne, tu sais, les gens n'ont pas proposé Jean Galmo, parce que moi, parmi les films de Rue Casneg là, que j'ai vu à l'école, il y avait aussi Jean Galmo. Ça vous dit rien, Jean Galmo ? Rien du tout. Jean Galmo était tourné en Guyane, en fait, et ça te racontait en fait l'histoire d'un mec qui cherchait de l'or et qui devenait complètement fou. Et je me demande même d'ailleurs si c'est pas une histoire vraie. J'ai pas tout retenu. Tu sais, c'était l'époque où les profs t'emmenaient au cinéma, mais tous les 3 mois. Tu sais, il y avait un film un peu culturel. Ils se sont dit, quand je lui ai parlé de Christophe Colomb, il a pas écouté. Je l'emmène voir le film. Il y avait Jean Galmo. Moi, je m'étonne de ne pas voir dans le classement Siméon. Mais en fait, Siméon, enfin, dans les votes que j'ai recensés sur Internet, c'était trop ancien. Ok. Ah, mais pourtant, putain, le film de Christian Lara, il est super méga ancien. Hein. Ouais, mais on en parlait encore, tu vois. Il y a une mention spéciale pour Rose et le soldat, mais comme il n'est pas sorti au cinéma... C'est du feuilleton, c'est effectivement. C'était réalisé par Jean-Claude Flamand Barny aussi. Ouais. La Rose et le soldat, Rose. Rose et le soldat. Non, c'est La Rose. Non, c'est Rose, c'est une personne. Rose. Bon, ça va, tu me reprends. Tout à l'heure, t'as dit Ma première étoile. Hein. Fous-moi la paix, hein. Eusan Palsy, hein. Ok. Sinon, il y avait aussi 30 degrés couleur. Personne n'a voté pour. Bah si, mais par rapport aux autres, pas autant. Ok. Personne n'a voté pour. Mais arrête de dire personne. Il y a des gens qui ont voté, mais peut-être pas autant. Alors, voilà. Pas suffisamment de gens ont voté pour Casse Départ, par exemple, avec Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Si, mais comme on disait tout à l'heure, ça a été tourné. Ça n'a pas été tourné aux Antilles, en fait. Ça a été tourné à Saint-Domingue ou Cuba, je crois. Cuba. À Cuba. C'est chaud, ça, hein. T'as une pression différente, toi, en tant qu'acteur, hein, je trouve. Comment ça? Parce que c'est difficile, tu sais, il y a toujours cette espèce de proverbe qui dit « Nul n'est prophète en son pays, machin, etc. » C'est très, très compliqué d'être jugé par notre public, non, aux Antilles-Guyane. Ouais, ouais, franchement. Et c'est pour ça que moi, je suis super content, le fait de savoir que le gang fonctionne et tout le soutien que j'ai des Antilles-Guyane, moi, je me sens vraiment privilégié, quoi. Parce que je sais que c'est un public qui est très difficile. Et si je sais que j'ai des Antilles-Guyane derrière moi, franchement, je me sens intouchable. On a Loli Style qui dit « Vous avez oublié Ali ». Intouchable, c'est-à-dire que tu prévois éventuellement de faire Intouchable 2. On a Loli Style qui envoie... Ouais, et je le paye, hein, ce mec-là, en plus. Hein. Il est payé dans mon équipe. Hein. On a Loli Style qui dit que vous avez oublié Ali Kerr. Je suis assez d'accord avec Stomy Bugsy. Mm-hmm. Le film était quand même assez émouvant, quand même. Oui. Pas assez voté. Non. Il y avait aussi La Vie Pure dans la liste et tout. Mais... La Vie Pure a une mention spéciale pour les conditions de réalisation. Putain, mais il y a plein de films que j'ai pas vu, en fait, dans cette liste-là. T'as pas vu La Vie Pure? T'es sérieux? Non. C'est quoi La Vie Pure? C'est un film qui a été fait en Guyane, c'est sorti l'année dernière. Ah, et en parlant de ça, ça compte pas encore parce que le film est pas totalement sorti, mais il y a un film qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il y a Chercheur d'or aussi, ou Orpailleurs, pardon. Orpailleurs qui est réalisé par un Guyanais, il aurait dû être classé, je trouve. Par question là, hein, ah oui? Décidément. Tu l'aimes pas trop, Christian Dara, non? C'est pas Christian Dara. C'est Christian Dara, il fait du zouk, celui-là. Je traverserai tous les... Non, c'est pas lui. Il confond avec Alex Catherine. Attends, bouge pas. Je regarde si j'ai pas du Nara, là. Attends, je vais trouver si j'ai pas du... Ah, j'ai du Christian Dara dans la musique. Attention, Christian Dara, le réalisateur par Nessie. C'est Et sinon, rappelez-vous, il y avait aussi première fois. Il était une fois, première fois. C'était à cette époque-là, année ici. Hein. Attends, je te mets le refrain directement, ça se trouve. Ah non, merde, il n'y a pas le refrain. À l'époque, il n'y avait pas de refrain. La séquence... Ça durait 14 minutes. Christian Nara, avec Si Longtemps. Hein, Si Longtemps. Attends. Maman. Ah ouais. Maman, Zouk Béton. Maman. Saucisson. C'est plus que rétro, là. Nostalgie. Père. Un petit coucou à nos collègues de Nostalgie du studio d'à côté. Ouais. On passe vos musiques, les gars. Attention, premier sur les hits d'il y a quelques années. Il avait une voix un peu particulière, si je me rappelle bien, Christian Nara. Ouais. C'est... De la crise d'asthme. Il pleurait beaucoup. C'était une voix un peu rocailleuse, abîmée. La légende. Non. Non, rocailleuse, non. Oh, sinon, des tout petits cailloux. Hein. Bref, hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200, c'est du cocoteur qui débarque dans un instant. On est toujours avec Vincent Vermillon. Vermillon, pardon. Ah hashtag... Tu vas y arriver, Ouais, je suis un flibustier. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. On revient juste après. La gay. Je suis dans la ligne de mes réseaux, regarde m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. Je vais pas me faire briller. J'suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. course la cible. Je vais pas me faire briller. Je suis le meilleur colisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première dose est gratuite. La première dose est gratuite. Brand new gal, me say with the clean Gucci. Brand new right dog, me dey dress like Gucci. Me no matter gal, call when in a Gucci day. Clean Gucci, me a run down the Gucci day. Gal, your body look good, but that Gucci day. Like a full moon in your Gucci day. Make me cocky feel good, but your Gucci day. Tell me if we grab a rubber. 6:30, you a one band the world till day. 12 for me cocky up, I feel sweet day. Best gal in a day, never open me day. Tell me if we grab a rubber. Nice and sweet Gucci, me a mad attack far. Gal, your pussy bad, ready me a that far. Tapping on the agony attack fire. She a bad sick, ready fuck star. Me no matter gal, I'm say come no easy. Drop on the gal, them rap on the gym. Chef pussy dead, me a come down silly. Now your pussy so sweet. Gal, your body look good, but your Gucci dead. Like a full moon in your Gucci dead. Make me cocky feel good, but your Gucci dead. Can me a figure grab a rubber. 6:30, you a one band the world till day. 12 for me cocky up, I feel sweet. Best girl in the neighborhood, but me dead. Word to the bird, I ain't never take a first shot. Yeah. Running through them keys way before Cali. Running with the pushes way before Malice. Yeah. Word to the five, I'm the one like four minus. Caught off the rebound, Ben Wallace gave up $4. Yeah. Sipping on the drink, sipping on the drink. Woo. Sipping on the drink, I ain't trying to think. Yeah. When it get hot, body start dropping. Hit the strip club, told the hoes gon' get the mop. Word to Diddy, we still rockin'. Word to Biggie, we'll be pockin'. Selena crib, I'm poppin', I just told Drizzy, let me take Serena to the drop. Sippin' on the drink, sippin' on the drink, sippin' on the drink, I ain't tryna think. Sittin' high, six guard cup, nothing hoes get close. Still doing that shit, Andre. Can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ton nouvel iPhone 7. Appelle le 0820 203 200. File-moi ta combinaison à deux chiffres. Et si elle est validée par Siri, c'est gagné. C'est gagné. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still fuck with the beat. Still not loving police. Still rock my cats with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world class record group, I'm still at it. The mathematics, in a home of drive-bys and acrobatics, swap beats, sticky green and bad traffic. Cette semaine, ton nouvel iPhone 7 t'attend. Ouais, il y a le signal qui a retenti sur Trace FM. Allô, bonsoir, qui est là? Hello! Elle s'appelle Gwenaëlle, je crois. Salut Gwenaëlle! Salut, salut! Ça va? Oui, ça va. Tu es sur quelle commune? Oui, t'as pique. On essaye d'évaluer avec mes collègues très rapidement. Bouge pas, on revient vers toi. Est-ce que ça sert à quelque chose d'offrir un iPhone 7 à pote à pitre? Pas sûr. Ça le fait quand même. Elle va le garder 3 jours. Non, ça dépend du quartier. Tu habites quel quartier? Oh, c'est pour enseigner, les gars. Bon, le principe est simple, ma chérie. Ok, Siri va te parler. Tu vas lui donner ta proposition. On est bien d'accord? Oui. Ce sera un chiffre entre 0 et 99 que tu vas devoir donner. Alors, exactement 00 et 99. Parce qu'en fait, il y a 100 possibilités et il y a forcément... Waouh. C'était quoi ça? C'était incroyable cet effet. Eh ouais, bah, qu'est-ce que tu crois, Vincent? Nous aussi, on a des effets spéciaux. On y va pour ta proposition. Siri te parle, écoute bien et réponds-lui, s'il te plaît. Donne-moi ta proposition. 77. 77? Oui. Respire. Putain, Siri n'a plus de réseau. Ah merde, j'ai plus de 3G. C'est bon, j'ai capté la 3G. C'est une mauvaise réponse. Oh, désolé. Mais en revanche... Tu as quand même un cadeau, tu repars avec ton enceinte Bluetooth. On te l'offre avec Yop, ton enceinte Bluetooth. C'est quand même un plutôt pas mal cadeau en attendant ton iPhone 7. Le plutôt pas mal cadeau. Découvrez le cadeau anti-déception. Le pas mal cadeau. Le plutôt pas mal cadeau. On te fait des bisous, Miss. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye, à bientôt, ciao. Cette semaine, Trace FM offre ton nouvel iPhone 7. Trace FM, premier sur l'iPhone 7. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Par texto, vous envoyez Trace suivi de votre message au 97000. On a un petit mea culpa à faire. Nous avons annoncé que Christian Lara était le réalisateur de Orpailleur. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas exact. C'est faux. Et même pas du tout. C'est plutôt pas mal exact. Merci de rendre à César ce qui appartient à César, ouais. Le réalisateur du film Orpailleur est Marc Barra. Voilà. Et Christian Lara n'est pas guyanais. Voilà. Il est guadeloupéen. Voilà. On dit à la Guadeloupe, c'est ce qu'est à Guadeloupe. Pour le coup. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. On est toujours avec Vincent Vermignon. Ouais. Et ça se passe plutôt cool, le mec il reste jusqu'à la fin de l'émission. Ça tombe plutôt bien parce qu'on a un thème qui te concerne. Qu'est-ce qui peut se passer pendant des films dans une salle de cinéma? C'est le sexe confessionnal dans un petit instant. Mais d'ici là, on vous a promis un truc. C'est aussi une prestation d'acteur à notre niveau. C'est Hugo qui se fait passer pour Sarah. Ouais, on va chauffer Alibaba et les 40 cocos. Tu peux me passer Sarah, s'il te plaît? Salut, c'est Sarah. Putain, ça me perturbe chaque fois qu'il le fait, putain. Mais tu en redemandes, arrête. Non, mais tu sais, surtout, en fait, le truc qui m'inquiète, c'est je suis comme ces gens-là. Ah ouais, on parle à gros, mais... Et puis, tu sais, à la fin de la saison, à force d'avoir entendu le gars, ça te fait un petit... dans les oreilles, c'est très désagréable. Bref, on y va, c'est parti. On compose le numéro de téléphone d'Alibaba et les 40 cocos. C'est son nom sur le site de rencontre. Mesdames et messieurs, nous ne savons pas quel genre de spécimen va débarquer à l'antenne. Mais si ça vous intéresse, connectez-vous juste sur le site de rencontre. Il m'a dit qu'il est en train d'utiliser des accessoires, j'ai pas compris. Prends ta voix. J'ai pas compris. Il utilise des accessoires actuellement. Allô, oui. Bonjour. Allô. Allô, Alibaba et les 40 cocos. Oui, bonjour. Ça va, t'as une très jolie voix au téléphone. J'aime beaucoup. Ah, merci. Je te dérange pas? Oh ben non, pas du tout. J'attendais ton téléphone avec impatience. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben j'étais en train de regarder une vidéo. Ah ouais? Quelle vidéo? C'est une vidéo gay. Une vidéo gay? Ah, donc en fait, tu es bi. Ouais, je fais la connaissance d'un gars sur Coco. Normalement, on doit se rencontrer jeudi matin. Ah, mais c'est cool. On pourra faire un plan à trois. Ça me plairait bien. Et toi, elle ressemble à quoi, ta queue? Ouais, elle est pas grande, hein. Ouais, elle fait 10. Ah, 10 centimètres. D'accord, je ne sais pas si on va continuer. Ouais, mais elle est privée, elle est enchaînée. De quoi ? Tu as enchaîné ta queue ? Elle est coquine, donc elle est punie. Je lui interdis d'éjaculer. Waouh, mais ça te fait pas mal d'avoir quelque chose autour de ta saucisse cocktail ? Ben, il faut pas que je bande trop fort, donc c'est pour l'empêcher de jouir. Et si je bande trop fort, ben, après ça fait mal parce que j'ai mis des anneaux, tu vois. Et là, je peux pas le retirer parce que l'anneau, elle a gonflé, donc je le mets quand c'est petit, toi, quand c'est robot. Mais là, je peux plus le retirer, là. Oh là là, c'est vraiment excitant, tout ça. Et si on fait un plan à trois, tu voudrais que ça se passe comment? Ben, je sais pas, avec un mec. Ouais. Ben, je le suce. Et puis pendant qu'il me pénètre, ben je te suce la chatte. Non, moi je préfère que ce soit moi qui te pénètre avec un gars de ceinture. Ouais, ça me tente. Ouais, ça me plairait bien. Je vais te faire une confidence, hein. Je cherche une femme dominatrice et j'en trouve pas. Ah, ça tombe vraiment trop bien. On me surnomme la mama de la domination. Je veux bien être ton soumis ou bien ton esclave, si tu veux. Ah ouais, mais faudra que tu m'appelles maîtresse. Oui, maîtresse, je ferai ce que tu voudras. Je pourrais même faire la pute pour toi si tu veux. Mais je viens, je te ferai le ménage chez toi. Et si jamais c'est pas bien fait, tu pourras me taper ou me donner des coups de martinet. Tu auras le droit, maîtresse, de faire ça. Et tu m'interdises de jouir. Comme ça m'excite, il est tout dur. Allez, vas-y, maintenant tu fermes ta gueule et tu gémis pour moi. Vas-y, gémis. Oui, maîtresse. Encore. Ah, c'est bon. J'espère que tu as un god dans tes fesses actuellement. Oui, tu veux que j'en mette d'autres? Ouais, vas-y, rajoute-en un autre. Et en même temps, dis-moi ce que tu as envie que je te fasse. Rien, que tu me baises avec un god. Que tu m'attaches comme un chien. Tu me pénètes de partout. Je reviens. J'aimerais bien. Mais je ferai tout ce que tu me diras de faire. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite. Bon les gars, je ne vais plus à Kourou pendant un moment là. Hein. Et toi? Moi j'y retournerai bien. Mets-moi un peu de mix, on revient avec le sexe confessionnel. Dans un instant, on parle de quoi Lilou? On parle de sexe au cinéma. Le sexe dans une salle obscure. Est-ce que vous avez déjà pratiqué vos anecdotes? Vous nous dites simplement ce que vous avez à nous dire. Vous nous dites pas qui vous êtes. Dans le plus total des anonymats, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200, on revient après un DJ Ken Admiralty, Lesna, Fly Away sur Trace Mada Guadayana. Ça le clean mais pas easy. Quel monde est dégagé la tête physique. Tu vois chez Wine, chez Amashop, mais elle est capillée sous body gros une physique. Et il peut faire dans tout sens multifonction, gal. Suive-moi par une option, gal. She ride it slow, moi savais qu'il y a action time. Il est nous vint au champion, boy. Moi j'ai fait au fly away. Quand ça tous les mots, j'en vois un tour. No gal, mais d'un relève bien en vrai. Fast to night, moi j'ai fait au fly. Moi j'ai fait au fly, yeah. Mon trou sans mon copop, j'en la choc à rimer rien au serment au cop. Comme on m'aime à la tête, on t'a fait moi péter y'en cap. C'est pas taille manquée, non franche, on est permis pour mes poils. Le poupé fait planer, consensuel. Poupé fait planer, consensuel. Parce qu'y'a l'autre bas, l'autre wiki. Comme on m'a y'en beau chat sans fumer weed. Caribbean girl, I need. Baby, my gaffe est un fly. Baby, my gaffe est un fly. C'est au passé y'en bout de taille. Faut savoir la nuit de la caille long. Faut savoir la nuit de la caille long. Y'a l'autre. Ça tourne les mots, j'en vois un tour. Gal, mais n'a pas les mieux d'horreur. Passe tout night, mon rêve est au fly. Toi, je veux rien, gal, l'aime. We love them, we love them. We love them, we love them. West Indies, gal, l'aime. We love them, we love them. We love them, we love them. Oh baby, j'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. On s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. J'hésitais mais fuck qu'on est beau. De t'entendre j'suis content. On m'a dit que t'as un enfant. J'suppose qu'il s'appelle Adam. sais ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon couronnerait les gens de l'autre voir rougir. Baby, j'suis tellement désolé. Passe-moi le phone, c'est qui là? Money, non, non, joue pas le bandit. T'es juste remplacé à sa mère, me l'a bien dit. On la main léger, à l'heure tu le démordes. J'ai le dossier sur toi, t'es pas le mec, garde, garde. Money, push it. Money, money, money, money, money, free mec, mec. Push it. Money, man, a look, man, a look. Money, man, a look, sound, sound. Songs like these, like people them it. And also to my flow, them on them. To me pattern, I'm a style, I'm it, me, me. Just to get them autographs, sign them, come on, get. Money we are look, we have the envy, testimony money, money. Not type the money, scale, balance, I eat up, lost it. Hungry? No, sir. Food of fiend, I'm in a. That of it up, another nazin, I got you up. Yeah, man. Money up, money up, money, money, money up, we make, make. Push it. Money man, I look so. Money, money man, I look so. Money, push it. Money up. Money up, money, money up, money up, free make, make. Push it. Money man a look, man a look. Money man a look, so. Money, money, money out there. So me decide fi walk fi. Take my one, well I fight a go broke fi. Roll up your head, now bad a lick, now suck fi. Mechanical, I walk on car and chop fi. Some have good, some hard bad luck fi. All bingo, all car man a crook fi. War and badness, me see man a chop fi. Girl, better me go drop fi. Money up, money, money. T'entends ça? C'est pour toi, gars. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on revient avec le sexe confessionnal dans une poignée de secondes dans Génération 97. Big up to big man. qui envoie un énorme big up au DJ Tijo Sound derrière les platines du duo officiel de Génération 97. Tu réclames tes titres, hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. La radio est libre tous les soirs, Real Talk and Real Mix on Trace FM. Quand tu veux mec. C'est pas parce que je viens de te faire un compliment qu'il faut que tu oublies que... C'est qui la star ici frérot? C'est l'émission. C'est l'émission, c'est pas moi, c'est l'émission. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Le DJ il s'emballe des fois. Génération 7. Le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200, également sur le net www.trace.fm. Un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Unique K qui a bien halluciné sur le cocoteur, tous ceux qui sont connectés. Hashtag G97 et at Trace FM pour nous nominer, nous taguer éventuellement sur les réseaux sociaux. Toujours en compagnie évidemment de Vincent Vermignon. La star de Cut. La star de Society. La star de Maybe Another Day. Non. Oh. Time. Maybe Another Time. Actuellement à l'affiche du Gang des Antillais. 0820 203 200. Tu restes avec nous pour le sexe confessionnal. Parce que oui, toi tu es sur le grand écran. Mais sais-tu ce qui se passe seulement parfois dans les salles obscures où parfois sont réalisés des films ou des projections de films dans lesquels tu apparais? Pendant que tu es dans ta scène clé, plein d'intensité, plein d'émotions, les gens font les cochons. Ouais, Lilou est devant l'écran, elle te voit à l'écran, elle fait « Fais-moi l'amour !» Mais malheureusement, toi, tu n'es pas dans la salle avec elle. Tu n'es pas là. Belle chanson. Alors que fait-elle? Elle prend le mec qu'elle a sous la main. C'est son mec, en général. Couchez-moi les chinchan. Oli. Les mini-justiciers. Oli. Piwi Plus. Oli. Inazuma Eleven. Oli. Gulli. Et ses outils. Plankton in Gulli et ses outils. Non, sérieux, ça. C'est magnifique. On dirait presque un mix. Bref, couchez-moi les petits traces adultes. Only. Genre 50 millions de degrés ou pas hein, Vincent? Non, j'ai détesté ce film. T'as pas aimé le film, il n'y avait rien dans le film. Putain, le mec a super bien réalisé son plan promo. Tu sais, toute la soirée, il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Et puis à un moment, il s'est mis toutes les filles à dos. Mais non, il n'y avait rien dans le film était pas top. Ah putain, il est tellement fort, tellement beau, tellement intense, tellement charismatique que les nanas qui adorent ce film normalement sont en train de dire il a trop raison. Mais il manquait trop de choses dans le film. Ouais. C'est vrai. Est-ce que, alors toi t'as pas encore vu le film, ça veut dire qu'on saura pas là tout de suite si tu trouves qu'il manque des choses par rapport au livre et à l'adaptation qu'ils ont fait du Gang des Antillais à l'écran. Non, on le saura pas maintenant non, en tout cas. J'ai pas vu le film. Hein. Ok, ça marche. D'ici là, ben on va parler sexe confessionnal et surtout sans tabou. Alors, le sexe au cinéma dans la salle obscure. Alors, à une certaine époque, c'était... Qui c'est qui a dit son comment? Depuis quand? Allez, on y va, parle-moi-en. Mais déjà, faut bien choisir le film. Parce que concrètement, si tu vas pour voir Le Monde de Nemo, c'est un peu chaud avec les gamins à côté. Ouais, alors c'est un peu chaud si le film est intéressant parce que du coup, tu te déclenches jamais pendant la séance. Donc ne va pas le faire pendant le Gang des Antillais. Fais-le pendant éventuellement. Qu'est-ce qu'on recommande pas aux gens en termes de cinéma là? Le film avec le requin, là, j'ai pas trouvé ça super fort. De quoi? C'était bien. Instant Survie, ça. Ouais, Instant Survie, j'ai pas trouvé ça super fort. Ah, la nénette sur sa bouée, là. Moi, je trouve que tu vois plus, en fait, sur Nat Geo Wild, en fait. Donc, concrètement, ça m'a pas fait palpiter le cœur. Au bout d'un moment, je me suis ennuyé et j'ai regretté d'y être allé. Sérieusement? J'ai regretté d'y être allé avec un pote. Ah, merde. Ah oui, effectivement. Ouais, et puis l'histoire du requin blanc là qui saute et qui fait... Moyen. Si tu peux en faire le bruit du requin blanc, s'il te plaît. Ouais, tu peux déjà oublier les doublages animaliers. Ouais. Et la fille, elle t'a pas plu, elle t'a... Mais si, Blake Lively, elle est superbe. Oui. Mais c'est pas l'exercice dans lequel je l'ai préféré. Elle a bien joué. Ok, si tu veux, c'est super. Oui, d'accord, mais tu sais que je peux avoir. Ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Et tu sais que ça. Et j'en ai rien à branler. Moi, j'ai pas aimé. La meuf, tu crois que t'es Vincent Vermignon? Tu vas me faire changer d'avis? C'est ça? La meuf, elle a adoré 50 nuances degrés, tu sais, au début de. J'ai détesté ce film. Ah, nouvelle version de. Que ce soit les livres ou le film, j'adhère pas du tout. J'ai trouvé le livre excitant quand même. Déjà, c'est mal traduit, donc. C'est mal traduit. Genre, tu comprends l'anglais. Non, mais. Allez, il y a des phrases vraiment. C'est pas très littéraire, quoi. C'est mal écrit. Voilà, c'est très mal écrit, effectivement. Tu baises un petit peu avec Bouillon de Culture, des trucs comme ça, en fond. C'est quoi les émissions, tu sais, un peu littéraires, là? Tu sais, Le Cercle. Putain, qui est déjà tombé sur cette émission sur Canal, là? Le Cercle. Putain. Oui. On a trop l'impression que, genre, c'est des gens qui parlent du cinéma, mais c'est. Waouh! Le rythme de l'émission, c'est un truc de dingue. Eh ben, tu peux baiser là-dessus. Ah, y a pas de problème. Mais tu baises dessus, pas parce que le truc t'excite, parce que tu sens que tu as un créneau. Oui, il faut vivre autre chose. Le temps que l'émission passe, quoi. C'est ça. Alors, explique-moi, t'as une expérience dans les salles obscures ou pas? Oui, avec Monsieur K, on aimait bien aller au cinéma. Ouais. Alors, il faut choisir la rangée tout en haut. Dans un coin, donc soit à gauche, soit à droite. Mais être au milieu, c'est jamais le bon. Ah oui, parce que si tu es trop au milieu, en fait, le projectionniste, en fait, ne peut pas faire une petite sextape pour toi. Et puis en plus, effectivement, alors c'est pour ça que les gens se mettent comme ça dans le fond, en fait, de la salle. Alors, petit détail, si vous êtes dans certaines salles de cinéma, vérifiez bien l'accès à la salle. Ah oui, s'il se fait pas en haut, c'est naze d'être... C'est ça. Ok. Non. Surtout que, en fait, le projectionniste, à certains moments, il peut descendre dans la salle. Tu sais pourquoi il dit et ça? Et l'accès peut se faire. Tu sais pourquoi il dit ça? Attends. Tais-toi. On a une histoire. Vas-y, balance. Parce que son oncle, c'est le projectionniste. Si. On aurait dû appeler ton oncle. D'ailleurs, je l'ai vu la dernière fois. Il est descendu dans la salle. Il est toujours là. Quand tu arrives très tôt dans la salle, tu le vois. Il me fait coucou. Il me demande toujours où est Sabri. C'est une manière de se dire que toi, ça peut jamais t'arriver, en fait, de coucher au cinéma, quoi. Qui a déjà couché dans un cinéma? Toi, tu l'as déjà fait ou pas, Vincent? Non, j'ai pas couché. J'ai déjà fait autre chose, mais pas ça. Ah, il y a déjà eu du sexe, quand même. Des échanges de fluides, on va dire ça comme ça. Buccal? Buco. Sexe buccal? Ouais. Il s'est passé des choses, voilà. Tu l'as fait où? Il est gêné, hein. Tu l'as fait Métropole? C'était quoi le film? Le film, je me rappelle pas du coup. Ça s'appelait La Choupa d'Ali. Non, mais une fois, j'avais choisi un film. Voilà, je me suis dit, voilà, j'ai pas aimé ce film-là, donc comme ça, je vais pouvoir faire mon truc tranquillement. Et en fait, finalement, le film était vachement intéressant. J'ai pas capté la nana. J'adore le prédateur repenti, tu sais, le prédateur repenti. Qui l'a déjà fait, Nessie? Non, j'ai embrassé, mais j'aime pas trop. Tu trouves pas ça propre, en fait, le cinéma? Non, c'est pas propre. Tout le monde s'assoit là. Il nettoie pas tant que ça. Hein. C'est-à-dire? Bah, quand tu vois qu'il y a l'emballage du popcorn de la séance d'avant, tu te dis que bon, non. Oui, mais pour une fellation, ça pose pas trop de problèmes. Ah, en plus, ça dépend. Tu peux avoir une fellation du coup sucrée ou salée. Non, c'est bien pour embrasser, pour se caresser. Qui a déjà couché au cinéma? Toi? Non? Moi non plus. Vous avez jamais fait ça? Mais toi, apparemment. Non. Moi, j'ai. Si, il y a des anecdotes là. Moi, et toi, Sabri? Non, moi, j'avoue. Attends, on est sur Yannick. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, Yannick, c'est intéressant. Non, mais vas-y, Lilou. Sabri, tu as déjà eu des relations sexuelles dans le. Non, vas-y, Yannick, vas-y. Yannick. Après toi. Je n'en ferai rien. Arrêtez, là. Non, mais. Tant qu'à faire. Non, mais je pense que c'est un oui, là, les gars. Oui, bien sûr que c'est un oui. Voilà. Bien sûr que c'est un oui. Non, mais alors. Tu te rappelles, c'était quel film? J'étais pas avec toi, connard. J'étais pas. Ah, merde! Si, on a été voir un film ensemble. Oh, quoi? On a été voir Rogue Nation, la Mission Impossible 5. Mais j'étais là. Non, mais les gars, moi, je vais vous dire un truc. Toi? Non. Le film, c'est là que nos mains se sont touchées. Le film, sur Nessie. Arrête tes conneries. Le film, il a beau être intéressant, tu vas au cinéma avec Sabri, mais toutes les deux secondes, tu es plié de rire, en fait. Le mec, il te perturbe. Il me reste rien de ce film. Je me rappelle de rien. D'ailleurs, je ferai un truc pour les auditeurs qui sont à notre écoute. Si vous allez voir Le Gang des Antillais, je vous communiquerai les horaires où Sabri est susceptible d'être à la séance, de manière à ce que vous puissiez quand même vous imprégner de l'intrigue. Parce que franchement, c'est impossible d'aller au cinéma avec toi. Non, mais j'adore parler pendant les films. Moi, je vais vous dire un truc. Ah, tu fais partie de ces gens-là. Ah, putain, ils sont énervants. Putain. Mais genre, tu parles, tu fais quoi? Tu signales les pubs cachées, tu fais des blagues? Oui, tu fais quoi? Par exemple, oui, ou les faux raccords, machin. Ah, regarde la mèche, elle est là. Là, maintenant, là, regarde là. Non, ouais. Mais c'est encore plus cash que ça. C'est-à-dire que, tu sais, genre, il te fait. Matsiamote. Ah, pas vrai, ah, pas possible. C'est genre dans Mission Impossible, ça le fait. Dans Mission Impossible. Oui, le oui, mec, oui. Ou alors il regarde le héros et dit ne va pas là. Ne va pas là, je t'ai dit, ne va pas là, c'est dangereux. Un petit ou sans Kounia, maman. Ah, le prix de la leçon. Bref. Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. Mais non, non, non, mais Lilou fait l'interview. C'est Lilou qui fait l'interview. Si, il a dit que oui. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais un peu comme Vincent. C'est-à-dire que moi, je trouve que le cinéma, c'est pas forcément propice à te lâcher avec une nana. Tu fais des petits trucs qui te mettent en jambe pour ce que tu vas faire après la séance. Ouais. Par contre, j'avoue, j'ai déjà couché dans les toilettes d'un cinéma. Oh, c'est pas ça. Alors, tu dis, mais ça dépend. Ça dépend, parce que j'ai trouvé que c'était les toilettes les plus propres de toute mon existence, quand même. Ah, mais tu vas dans des toilettes cheloues. Il y a des toilettes où t'as de l'espace, hein. Où t'as des cabines, où ça peut créer une excitation complètement différente. Hein. Donc t'as fait ça dans l'espace handicapé. Mais ta gueule. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et je boitais un peu en sortant. Vas-y, fais le tour, Lilou. Alors... Alors après, il y a des cinémas qui ont bien compris le sexe au cinéma et qui ont créé le principe. Il paraît qu'en Martinique, il y a une salle, la 9e salle en fait, du cinéma. En fait, on peut accéder sous les gradins. Et concrètement, qu'en fait, ils envoient systématiquement à la séance un vigile pour essayer de déloger les gens qui peuvent se foutre en fait en dessous. Ah ouais, tiens. Et il paraît que c'est encore plus dégueulasse que ça. Il paraît que même il y a des gens dans la salle 9 qui, avant, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans la salle 9, descendent et ils ont pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Aïe, aïe, aïe. Oh, ils passent sous les gradins et ils pissent sous les gradins. Il y a des caméras. Non, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Mais c'est une vraie histoire. C'est une charme. Je suis désolé. C'est une vraie histoire. C'est pour ça que ça sent ça. Donc t'es déjà allé là. Non. Lilou. Après, dans un autre registre, il y a des cinémas qui ont compris l'attrait du sexe au cinéma et qui ont créé des love seats. Donc c'est des principes de place, de lit, voire même certaines fois. C'est-à-dire que tu vas au cinéma, mais c'est dans un lit. Bientôt à Madiana, Agora et au Rex. Mais c'est vrai, ça peut arriver rapidement. Vous n'avez pas besoin de vous reproduire, c'est bon, il y a un boom. Mais il y a déjà plusieurs cinémas à Paris qui en sont équipés, par exemple. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est des cinémas où on diffuse des films complètement normaux. Ouais. Parce que j'ai du mal à capter le concept. Le film intéressant, tu vas au cinéma, tu payes ta place pour voir un film plutôt bien. En général, il y a le bouche à oreille qui fonctionne et visiblement pas que le bouche à oreille. Le sujet, pas que le bouche à oreille. J'ai du mal à imaginer. Moi, je fais partie des gens, ça m'énerve. Les gens qui parlent, ça m'énerve. Les gens qui me perturbent pendant un film quand il est bon. Donc j'ai du mal à imaginer en fait des gens qui vont niquer au cinéma. Mais je pense qu'il y a des bons films pour ça. Par exemple, un film comme Transformers. Ok. Ouais. Tu sais comment ça va se terminer. Ouais. Plus ça t'excite, Transformers. Ouais, les robots, tout ça. Les transformations. T'en bouge pas, je vais essayer d'exciter Vincent Vermignon. Attention, ici Optimus Prime. Les Decepticons sont sur nous. Bon non, ça n'a pas l'air de marcher. Coup, hein. Et du coup, tu peux te permettre de ne pas trop suivre complètement le film qu'en fait. Ouais, voilà. Non, mais il y a des films, tu peux décrocher et revenir 20 minutes après, il s'est rien passé d'exceptionnel. Voilà, voilà. Où tu comprends, ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. Les films en version originale sous-titrée, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ah oui. Moi, je sais pas. Le film éligible à ça, moi, je dirais... Putain, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu là? Vous l'avez vu le film En route vers Busan ou un truc comme ça? Ça te dit quelque chose? Dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan. Ouais. Alors moi, je l'ai vu lorsque j'étais à Paris là dernièrement. Et ça, ce film, ça aurait été impossible. Impossible que je fasse quoi que ce soit. Non, c'est une histoire de zombies énorme, un film cohérent. Mais coréen et hallucinant. Tu vois, il y a des films, c'est pas possible. Tu peux moi, pas je faire sais sur quel film j'aurais pu faire là. Sur quoi? Un film que j'ai détesté, que tout le monde aime. Amélie Poulain. Je pense que j'aurais pu faire l'amour devant. Amélie Poulain. Ah ouais, le film... À cause du poulain. Tu sais, il faut imaginer, s'il y a une sextape qui tourne de Nessie, en fait, elle est à la catégorie zoophile, quoi. C'est, bref. Y a un film sur lequel t'aurais pu... T'as déjà fait ou pas? Vraiment? Jamais? Non, même jamais, pas, jamais. Même pas un petit bisou, là? Le film d'horreur, le film d'horreur, il est propice pour que... Non plus ouais. Tu sais, le film d'horreur, il est propice pour que tu passes ton petit bras autour ou que tu rassures la nana. Ouais, des bisous, des... Il y a des prédateurs qui connaissent ce genre de technique. Des prédateurs qui savent exactement que quand...